Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 48e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve donc autour d'un VR parce qu'on en a gros. Entre les informations aussi floues qu'une partie de No Man's Sky de la part de Sony et les déclarations de Phil Spencer, de Jim Ryan sur le futur de la VR sur PlayStation, on avait besoin de vous en parler et de faire le point. Avant ça, on va parler de jeux bien sûr, et c'est pour ça que j'accueille notre Tché à nous, toujours à l'affût de la moindre petite bribe d'informations à nous partager, et c'est Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. La forme ? Oh oui, je suis à fond. Ouais. Ah la patate, on est bien à fond en ce moment. Et nous avons également celui qui est ravi de pouvoir jouer bientôt à Blood and Truth en version upscalée avec sa future PS5, c'est Majo. Salut Majo. Salut. Ça va, t'es jouasse ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, bon. Et ce soir, ça va, au moins ? T'es content d'être avec nous ? Ouais, j'ai fait mon deuil, c'est bon. Bon, c'est bien. Je t'ai fait une raison. Et enfin, il y a notre barbu révolutionnaire sur YouTube, c'est Cyril. Salut Cyril. Salut messieurs, ça va? Hasta siempre? Muy bien. Ok. Alors, un peu déçu parce que j'ai mon mentor du positivisme ou de la positive attitude là, qui est pas bien. Donc, du coup, j'ai mis un genou à terre, là, tu vois, en entendant ça. Là, c'est vrai. Ouais. Écoute, peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux, on verra. Ouais. Enfin, non, remarque, j'ai toujours pas reçu d'adaptateur, donc ça ira pas mieux. C'est la loose jusqu'au bout. Ça viendra. Du coup, avant de rentrer dans le gros du débat, on va parler de jeux parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. On va commencer avec toi, mon petit Majo, avec Twilight Pass que t'as pu un petit peu tester aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est Charm Games qui sort ça, c'est sorti le 4 novembre sur le store à 14,99€. Mmh. Donc, c'est un petit puzzle game narratif, ça n'a sans prétention, ça n'a rien d'extraordinaire, hormis sa réalisation qui est vraiment très sympathique. Graphiquement, c'est hyper coloré, c'est très propre, des bonnes textures et une bonne distance d'affichage. Il y a un peu d'aliasing quand même. Voilà. Ouais. Là-dessus. Concernant l'histoire, c'est un peu compliqué parce que c'est que de l'anglais. Il y a zéro sous-titres. Et en plus, c'est un peu à la Rick et Morty, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de petites interactions rigolotes entre les personnages, si tu veux. Du coup, il y a un peu d'argot, enfin pas d'argot, mais tu sais, c'est des petites expressions qui sont un peu compliquées à comprendre. Ouais, d'accord. C'est pas du littéraire, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu littéraire. Il y a beaucoup de phrases, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu difficile à comprendre. Donc, j'ai joué un peu plus d'une heure, une heure et quart. Mm-hmm. Ça va assez vite. Les énigmes sont pas hyper compliquées, même pas du tout, en fait. Au final, ça me fait penser un peu à un QTE en VR. Voilà. C'est pas vraiment des énigmes, c'est plus des petites interactions. T'as vraiment des mini puzzles, mais c'est une aventure interactive en fait. Ouais, voilà. C'est essentiellement ça. Après, j'ai fait qu'une heure, donc ça se corse un petit peu là au bout d'une heure. Mm-hmm. C'est des trucs qui sont un peu plus compliqués, mais pour l'instant, ça reste assez simple. La durée de vie, je crois que c'est 2 heures et demie. Mm-hmm. Donc t'as fait la moitié, quoi. Voilà, à peu près. Mm-hmm. Et donc, ça reste. Ça reste un peu chéro quand même, ça fait 15€ pour 2 heures, il n'y a pas vraiment comment dire, d'originalité non plus, hormis l'histoire, je te dis, et puis ces petits persos qui sont pas mal rigolos, et puis la réale qui est très propre. T'as pas d'embranchement, quoi, c'est vraiment une aventure que tu suis un petit peu en mode détente. C'est très très linéaire, t'as pas de déplacement, c'est que de l'ATP. Tu as un pouvoir plus ou moins télékinésique qui te permet de ramener des objets à toi et d'interagir. Tu as une espèce de lentille qui te permet de voir un monde parallèle avec des interactions qui sont pas visibles à l'œil nu. Mm-hmm. Mais si tu dois le comparer à des vrais puzzle games, je vais prendre The Room VR, qui lui était un peu dans le même esprit, mais avec du déplacement libre et surtout des énigmes qui étaient beaucoup, beaucoup plus longues et plus recherchées. Mm-hmm. Où là, ouais, tu... T'en as pour ton argent, je dirais, dans le puzzle game. Là, c'est plutôt une petite aventure narrative, comme tu dis, interactive, mais avec des interactions qui sont un peu plus poussées quand même que, qu'une expérience traditionnelle. Quoi. Voilà. Et au niveau de l'histoire, c'est un truc un peu éthéré, non ? C'est où ça a vraiment. Oui, un scénario, alors t'es un humain dans le monde des esprits. Après, je veux pas trop spoiler. Oui, bah oui, c'est le problème. Il y a un petit truc parce que bon, ça dure que 2 heures, donc faut pas spoiler les énigmes ni trop l'histoire. Mais c'est un peu confus. Enfin, ça parle d'un gardien et d'une entité maléfique. Et puis le gardien a été emprisonné. Et puis donc il se passe des choses un peu bizarres là dans ce monde des esprits. Et puis tu vas rencontrer deux petits personnages, assez originaux, atypiques. Et puis voilà, tu vas faire le voyage avec eux en fait. Et puis tu vas devoir les aider à traverser, je dirais, ce monde des esprits. Et pour ça, bah, tu vas devoir réparer le monde entre guillemets pour qu'il puisse avancer quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est mignon, c'est sans prétention, ça se mange. Franchement, j'ai joué une heure, je la regrette pas, tu vois. Et j'ai arrêté parce qu'il y avait le podcast, sinon j'aurais continué, je pense. D'accord. Et puis voilà. Ouais, c'est plutôt bon signe, quoi. En plus, tu dis que c'est un petit peu cher, 14€ pour 2h30, ouais, c'est le prix d'un Blu-ray, quoi. Ouais, 15€ pour deux. Ouais, mais ça reste pas un film, quoi. Ça reste quand même un jeu. Ouais. Alors après, je connais pas trop les coûts de réalisation, mais c'est vrai que pour moi, enfin nous qui sommes habitués. À l'époque du plat, sur des open world, tu vas jouer 30, 40, 50 heures pour 60, 70 balles. Bon, là, tu te dis 15 balles. Si tu fais le prorata purement mathématique, si tu veux. Ouais, tu peux pas. En plus, pour ce genre de jeu, ça dépend vraiment du feeling que tu as avec le jeu et le plaisir que tu prends dessus. Donc, ouais, c'est pour ça. C'est pas quantifiable. Je dirais à 10€, ça passerait peut-être un peu mieux du fait du contenu et de sa durée de vie. Mais bon, voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas regretté mon heure de jeu, c'est bien pour l'instant. Ok, voilà. Très bien. Des questions, messieurs, sur ce magnifique jeu plein de chill ? Non, je le ferai, et puis on fera un test. Typiquement, le jeu que tu peux faire un petit peu plus tard, justement, à tête reposée, et puis juste pour le plaisir. Et, ouais, puis voilà, j'aime bien ce genre de petits trucs en général. Donc, ouais, c'est une balade, ouais. Puis c'est assez joli, les décors, je te dis, c'est assez varié pour l'instant. Et t'as toujours des beaux panoramas, des beaux points de vue pour résoudre tes petits puzzles. Donc, non, c'est très agréable. À l'œil, c'est agréable. Même le son est sympa. Peut-être un petit peu, un poil trop fort pour les. Tout ce qui est interaction, bruit de mécanisme ou les déplacements de l'espèce de bateau qui transportait deux persos. Un petit problème d'étalonnage, je dirais, là-dessus au niveau du son. Mais sinon, après, les musiques sont sympas, les bruitages sont sympas, les doublages aussi sont bien faits. Donc c'est pour ça, malheureusement, c'est pas sous-titré, c'est dommage. Mais voilà. Non, il y a des qualités quand même, mais bon, ça reste un petit truc sans prétention. Quoi. Non, puis, encore une fois, quoi, en anglais, c'est dommage. Ouais. Le studio est super, super sympa, hein, en général. Tu leur demandes un truc, ils répondent tout de suite, ils sont nickel. Non, mais après voilà, je te dis, c'est mignon, c'est fini quoi. Tu sens ça, il y a pas de bug, c'est vraiment propre, c'est non, il y a du détail, si tu veux, il y a du souci du détail, mais encore une fois, c'est pas non plus l'expérience de l'année quoi. C'est pas le Game of the Year. C'est un bon petit bonbon quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Il est sorti il y a combien de temps déjà, tu l'as dit Le 4 novembre. Le 4 novembre, d'accord. Ah, oui, donc c'est récent en plus. Ok, très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer un jeu qui est sorti le 29 septembre 2020 sur PS4. C'est Until You Fall. Il est sorti à 24,99€ sur donc PSVR. Moi, je vous avoue, en fait, on n'a pas reçu la clé pour ce jeu-là. Et donc, du coup, j'avais juste envie de me le faire pour moi. Donc, tant qu'à faire, on va en parler là. Mais je l'ai pris du coup sur PC. Et sur PC, il est à 20,99€ sur Steam. Until You Fall, c'est donc on a déjà fait des articles dessus, hein, vous pouvez les voir sur le site. C'est un roguelike, combat à l'épée, à l'arme blanche, coloré, dans une ambiance médiévalo-fantastique, on va dire, avec de la musique synthwave, un petit peu à la Hotline Miami, donc moi j'adore. Et franchement, c'est un jeu plutôt sympa quoi. C'est un jeu plutôt sympa pour 20,99€ à 24,99€, je le trouve un tout petit peu trop cher. C'est vrai que 20€, je pense que c'est vraiment le juste prix pour ce jeu là. Le but du jeu, ça va être en fait d'avancer de petite zone en petite zone avec un certain type d'ennemis, avoir des combats très très physiques quand même, où justement on va avoir une épée à la main droite et par exemple une dague à la main gauche. Ça, c'est les armes de base. Après, il y en a d'autres qui se débloquent et qu'on peut upgrader au fur et à mesure. Et très très vite, on va arriver sur des pics de difficulté, on va se faire complètement poutrer, revenir dans le hub principal, upgrader nos armes, et puis y retourner en fait. Et à chaque. En fait, c'est vraiment le principe du roguelike de base. Et c'est perdre. C'est le Dark Souls de la VR. C'est le. Non, parce que Dark Souls, c'est pas ce que j'appelle vraiment un roguelike, alors à moins que je me trompe. Mais quand tu perds, t'es obligé de retourner dans Dark Souls là où t'es mort pour récupérer tes points d'expérience, non? C'est ça? Je sais pas, j'ai jamais joué. Parfait. Alors. Il balance un truc et il dit ah non, mais je sais pas, moi j'ai jamais joué. Non, mais c'est juste pour me faire chier en fait qu'il fait ça. Je le sais, je le connais maintenant. Non, en fait, vraiment, tu meurs, tu gardes tes points d'expérience. Enfin, il y a un nom comme ça, je crois que c'est les Aether ou un truc comme ça. Enfin, bref, peu importe. Et t'arrives ensuite dans la forge principale du jeu. Et là, tu peux utiliser tes points que t'as gagné pendant ton avancée pour justement upgrader tes armes, par exemple, ou tes capacités. Et en fait, à chaque petite zone, une fois que t'as buté, je sais pas, 4 ou 5 mobs, t'arrives vers un espèce de cristal qui est en fait une limite entre deux zones, et surtout deux zones de chargement, même s'ils sont très très courts. Et là, tu vas avoir le choix entre trois orbes différentes qui va te permettre d'upgrader en fait juste ta partie. Par exemple, avoir un petit bonus sur tes attaques spéciales, ou alors un bonus, tu gagnes un point de vie supplémentaire, ou alors ta rapidité est améliorée avec toujours un malus, un bonus. Et en fait, ce qui fait qu'à chaque nouvelle partie, tu as des options différentes aléatoires qui arrivent comme ça. Tu as des zones aléatoires, tu as des ennemis aléatoires, en tout cas, tu as des groupes d'ennemis aléatoires qui te tombent dessus. Ce qui fait que chaque partie en fait est complètement différente. Tu gagnes, ton personnage gagne de l'expérience pour s'upgrader. Et après, tu continues, tu essaies d'aller toujours de plus en plus loin. C'est vraiment le principe du roguelike pur et dur. Donc du coup, le jeu a vraiment une bonne durée de vie. Là, je suis loin de l'avoir fini. Pour tout vous dire, il y a trois modes de jeu différents. Facile, moyen et difficile. Je l'ai essayé qu'en facile pour le moment. Je suis pas arrivé très très loin et je me fais poutrer quand même assez rapidement. Parce que le jeu est très très physique. Vous avez déjà vu un petit peu des images de ce jeu-là ou pas? Oui. Et tu en as pensé quoi? Je le trouve très joli. Très beau. Mais d'ailleurs, très flashy, non? Très très flashy, ouais. Ouais. J'avais une question ce niveau-là. Les déplacements, c'est comment quand t'es en fight? Eh ben, alors, c'est le truc, c'est que, comme je te dis, en fait, moi, je l'ai essayé que sur PC. Donc, du coup, sur PC, avec le Oculus Rift S, j'ai les sticks. Donc, c'est déplacement complètement libre sur PC. T'as un système dash aussi que tu peux utiliser en combat. C'est-à-dire que quand t'as un ennemi qui a une certaine distance de toi, t'appuies sur le bouton dash, tu lui fonces dessus et tu lui stun un petit peu son bouclier. T'as un système de bouclier, en fait. Mais en tout cas, les déplacements sont libres, et même pendant les combats. Parce que moi, il me semblait que les déplacements pendant les combats étaient fixes sur PSVR. Alors, sur PSVR, ça, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, sur PC, les déplacements sont libres, même pendant les combats. Et c'est parce que c'est souvent, en plus, que t'as plusieurs ennemis qui te tombent dessus, et t'es obligé de te déplacer pour essayer d'esquiver. T'as le dash arrière aussi, qui te permet de t'en sortir. Et au niveau des combats aussi, ils sont quand même plutôt pas mal. Donc, comme je disais, c'est combat à l'épée, corps à corps. Donc après, t'as une hache que tu peux débloquer, t'as des trucs comme ça. En fait, tu dois esquiver les coups de tes ennemis. T'as des espèces de barres pendant leurs attaques ou leurs combos qui se matérialisent devant toi. Et tu dois mettre ton épée, enfin ton arme, juste sur ces barres-là pour pouvoir bloquer les coups de l'adversaire. Au fur et à mesure que tu bloques les coups de l'adversaire, t'as leur barre de bouclier qui commence à descendre. Une fois qu'elle est complètement descendue, là ils sont stun, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils sont un petit peu dans les pommes, et là tu peux les fracasser. Et quand tu les fracasses, t'as aussi des traits aussi qui se matérialisent. Ça te montre le sens de ta lame dans lequel tu peux faire des combos et enchaîner les combos et les battre plus facilement. En fait, c'est presque... T'as presque un côté un petit peu chorégraphie dans les combos dans ce jeu-là. Ce qui fait que c'est un gameplay très très dynamique, qui marche bien, où tu te bouges quand même pas mal. Et voilà, il y a une certaine profondeur quand même de jeu dans Until You Fall que j'apprécie vraiment, quoi. Et c'est pas trop dur de se déplacer et de se battre en même temps, du coup? Bah, quand t'es en face d'un adversaire, ça va, tu t'arrives à gérer. Ensuite, si t'en as un autre, par exemple à droite, qui arrive, tu te déplaces, tu te dashes en arrière, et puis après tu lui refonces dedans directement. T'essayes de lui taper un petit peu son bouclier, son armure, et puis après t'essayes de faire attention à ce qui se passe à gauche, et tu alternes en fait à chaque fois comme ça. Faut être patient, faut pas du tout bourriner, tu peux pas bourriner dans ce jeu là parce que sinon tu te fais très vite remettre. C'est dommage. Ouais, non, c'est pas un jeu, c'est un jeu des fouloirs une fois que tu commences vraiment à capter le gameplay et à le maîtriser. Au début, en tout cas, tu te prends des calottes, calottes sur calottes, et voilà, t'apprends un petit peu l'humilité. Mais c'est le principe du roguelike hein, en même temps. Donc voilà, mais ça marche bien. Et le fait de pouvoir upgrader son personnage au fur et à mesure et ses armes, bah, ça donne envie d'y retourner, toi, de faire une petite partie. Tu te dis, ouais, même si je suis pas en forme ce soir, je vais y aller. Je vais jouer un quart d'heure, je vais me faire poutrer, mais au moins, tu vois, j'aurais pas joué pour rien en fait, parce que toute ton expérience que tu as récupérée, ouais, tu auras gagné de l'expérience. Et bah, tu pourras voilà l'investir dans ta prochaine partie pour aller peut-être un petit peu plus loin. Et puis voilà. Et c'est vrai, comme disait Laurent tout à l'heure, c'est très flashy, mais c'est très beau en fait. Hein. C'est un univers assez, je sais pas, on dirait une espèce de planète extraterrestre, tu vois, très flashy. Ça va très très bien avec la musique justement synthwave qu'il y a dessus. Ça fait une espèce de décalage entre les ennemis qui sont quand même des chevaliers ou des espèces de monstres chevaliers médiévaux. Et puis l'ambiance très entre le cyberpunk et l'extraterrestre. Donc ouais, c'est un bon mélange. La musique, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Il y a un peu de tout. Il y en a qui sont fans, d'autres un peu moins. Ouais. Perso, moi, ça a bien marché sur moi. C'est vrai que j'aime beaucoup la synthwave, donc j'ai bien accroché. Donc voilà. Et ouais, juste pour revenir sur le studio, donc j'ai pas dit qui c'était d'ailleurs. C'est Shell Games qui l'a fait. C'est ceux qui avaient fait. Attends, le titre du jeu, c'était I Expect You to Die. C'était super aussi. Qui était vraiment bien. Voilà, les gars, c'est pas des manches, ils ont fait un bon truc. Donc voilà, ils nous ont pas envoyé la clé, mais bon, je peux pas chier sur le jeu parce que franchement, il est bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Après, voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse le tester sur PSVR pour vous dire au move comment ça se passe au niveau des contrôles. Ouais, ça par contre. Malheureusement, voilà, je peux pas vous dire. Mais j'imagine ouais, que. Je pense que je l'achèterai, de toute façon, il me faisait de l'œil ce jeu. Mais ouais, franchement bien. Si tu veux faire des petites parties ou si tu veux t'investir dans un jeu sur plusieurs soirées, sur des petites sessions, ça passe tout seul. C'est un bon bonbon aussi dans son genre. Mais voilà, faut rester humble. Alors, gâté, tu vois, force. Tu pas. Ouais. C'est bon. Pardon. Ah oui, putain, on va grossir. C'est pas bon ça. Confinement, bonbon. Confinement, bonbon, cul sur le fauteuil, voilà quoi. Heureusement qu'il est physique. Oui, c'est vrai. Par contre, moi, il m'a fait mal au bras. Hein. J'avoue. À force de gigoter comme ça, de foutre des patates avec mon bras droit. J'ai eu le même truc sur Ninja. Ah, j'ai mangé le nom là. Ninja Legends. Ninja Legends là. Pareil, j'ai fait des gestes. J'ai joué quand même au moins deux bonnes heures. Hein. Mm-hmm. Et 48 heures après, j'avais découvert des muscles au niveau des épaules. Manque de conditions. Non, mais j'avais mal, c'était un truc de dingue quoi. C'est. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que ça flingue. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Bon après on est des gros geeks hein, donc on essaie quand même de prendre soin de nous. T'sais, avec la VR on essaie quand même de faire du sport. C'est vrai que là en ce moment j'enchaîne Asgard Wrath, donc t'as des combats à l'épée, Until You Fall, tous ces jeux là. Faut toujours envoyer des coups de patate avec ton move. C'est vrai qu'au bout d'un moment tu commences à fatiguer quoi. T'as des courbatures et t'as rien foutu de ta journée en plus. Alors, c'est le pire. C'est ça qui est dingue. Moi c'est mon lustre qui aime pas ce genre de jeu. C'est peut-être parce qu'il y a des spots. Faut mettre des spots dans des pièces pour jouer. Tes gosses aussi, non? Ouais. Non, ça va, ils sont petits, mais dès que tu dois lever un peu le bras, je me tape le lustre et j'ai déjà cassé 2-3 trucs sur le lustre. Ah, c'est pas bon pour la paix des ménages, ça. Tac, ça me fait penser aussi mon gosse aussi pendant que je jouais. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit sur. J'étais sur Half-Life Alyx, il s'est pris un gros coup de move dans la gueule parce qu'il passait juste devant moi. Quand je balançais une grenade, et en plus j'y suis allé de bon cœur, le pauvre. Ah, putain, ouais. Attention. C'est normal, hein, c'est le jeu. J'ai dit, tu passes pas devant papa. Mais ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Pourquoi il te manque des dents? C'est mon papa. Mon papa, il jouait à la VR. Il jouait à Alyx. Il jouait avec Alyx, en plus. Oh là là. Donc voilà, faites attention à la VR, ça peut être dangereux. Donc voilà, bah j'ai fait le tour hein, pour Until You Fall, bonne pioche, allez-y, c'est que du bon. Allez-y en promo et vous serez pas déçus en tout cas. Bah, tu vois, moi je serais moins réticent à mettre 30 balles là-dedans que 15 balles dans Twilight Pass. C'est pas le même genre, c'est pas. Ouais, c'est... Ouais mais rapport prix-durée et puis gameplay, enfin surtout prix-gameplay en fait, au final c'est ça. Il est quand même, il a l'air vachement plus complet quoi. Oui, il est plus complet. Après, ça reste un jeu très arcade, voilà, très roguelike, qui se prend pas la tête, qui a pas des prétentions énormes non plus. C'est vraiment un bon petit jeu, quoi, qui est joli, qui doit être aussi bien joli sur. Ah oui, un truc aussi, c'est un jeu donc à mon avis qui est très très joli sur PSVR parce que c'est un jeu normalement qui était prévu sur le Quest au départ. Donc et je parle pas du Quest 2, Quest 1, c'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour pour être flashy, pour être net, mais pas pour demander une puissance extraordinaire à la machine. Donc non, c'est bien, c'est pas mal. Et il y a un scénar quand même. Il y a un scénar, ah oui, donc oui, très bien. Le jeu est tout en anglais, donc du coup, le scénar, je suis complètement passé à côté parce que ça m'a saoulé. C'est l'histoire d'un chevalier qui doit défoncer un monstre. Qui doit se battre parce qu'il y a des méchants. Du coup, parce que c'est le gentil et puis il y a des méchants. Et puis il y a des méchants en face. Ah, et puis il arrive dans une forge. On est des bons vendeurs, les gars, vous avez vu ça. Parce qu'il y a un être surnaturel qui le sauve. Et puis après, il dit tu verras, tu es l'élu. Et puis voilà, faut que tu avances jusqu'à ce que tu tombes. Donc until you fall. Et voilà, et c'est super. Ah, mais c'est encore nous l'élu. Et bah, t'es toujours l'élu de toute façon. Oh là là, mais c'est relou. On en a pas marre de sauver le monde à force, quoi. Bah non, a priori, vu qu'on y retourne, c'est qu'on en a pas marre. Donc, non, le scénario très anecdotique. Ça m'a pas intéressé plus que ça, c'est pas ça qui m'intéressait du tout dans le jeu. Ouais, puis c'est le problème du. C'est sous-titré, tu m'as dit Non, Walou, non, il y a tout qui est en anglais, texte. Ah, il y a même pas de sous-titre. Texte, tout en anglais. Ouais. Tout en anglais. Voix, texte, même tes options d'upgrade, tout en anglais. Pour le moment. Après, voilà, on n'a pas d'informations sur de futures traductions, donc on va en rester là-dessus en tout cas. Dommage. C'est dommage. C'est un petit peu dommage. Voilà. Est surprenant ce jeu parce que il a comment dire, ça fait un moment qu'on en parle, il y a eu quand même 3 ou 4 articles de fait dessus, et j'ai l'impression que c'est un jeu qui est toujours passé au travers des mailles du filet, quoi. Il a retenu l'attention de personne. Ça m'a toujours donné cette impression-là, tu vois. Ça, j'ai une théorie. Malheureusement. J'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en fait, le jeu était en early access pendant un bon moment sur PC. Ce qui fait que les gens en early access t'en parlent quand ils sortent en early access, mais en fait, ils sont pas finis, donc du coup, tu peux pas vraiment les tester. Et les tester une fois qu'ils sortent vraiment en version 1.0, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il y a tellement de gens déjà qui l'ont pris en early access. Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir dessus? Ça reste juste un patch note. Donc en fait, tu passes du jeu non fini au patch note une fois qu'il est terminé. Donc c'est pour ça, au niveau de la communication, c'est pour un site comme nous, en tout cas, c'est pas terrible de savoir comment en parler. Pour les joueurs, c'est bien parce qu'ils peuvent soutenir le jeu en l'achetant avant même qu'il sorte et le découvrir au fur et à mesure et découvrir en plus les étapes du développement. Mais c'est vrai que pour en parler, c'est pas évident, quoi. Voilà, c'est ma théorie. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sites spécialisés qui en aient parlé régulièrement. Je suis pas sûr que beaucoup de sites justement aient eu un code du jeu. Nous, on n'en a pas eu, mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui. Ceux qui en ont parlé, à mon avis, ils ont acheté le jeu. Et c'est sûr que s'ils n'ont pas distribué des codes de partout, la presse, si elle n'a pas de code, soit ils achètent le jeu et puis il y a une grosse partie qui ne va pas faire le jeu, donc pas de test, donc pas de couverture, quoi. Je crois que ça fait 2 ans qu'on en parle de ce jeu, mais pour le citer, il y a le site américain Upload qui en a parlé régulièrement. Nous, on a fait pas mal d'articles également, mais j'ai l'impression que, voilà, on ne va pas se faire des louanges, mais il y a peu de sites. C'est sur ces 2 ans qu'il en est parlé relativement souvent, quoi. Le jeu est full anglais, hein, aussi. Faut pas l'oublier. Ça, hein. Si c'est pour des sites ou des chaînes françaises dont tu parles, ça en décourage beaucoup, hein, aussi. Sur 2 ans, tu sais pas s'il va y avoir une traduction au début quand on en parle. Long terme de la préparation du jeu et du développement, pardon. Ok. Non, moi je te parle depuis sa sortie. Ah, quoi. Depuis sa sortie, oui, oui. Oui, oui, mais c'est sûr pour nous autres, c'est plus délicat, quoi. Bon. Ouais. Après, ça n'empêche pas. Après, peut-être aussi l'aspect un peu flashy, les gens, on en a peut-être un petit peu marre, justement, des jeux flashy qui font un peu de cheap, quoi. Même si quand t'es dedans, en fait, tu t'en rends pas compte parce que l'univers s'y prête bien, le mélange des genres fonctionne très bien. Quand je l'ai vu sur le site, justement, sur VRplayer.fr, quand vous avez commencé à en parler, il m'a pas tapé dans l'œil, quoi. Tu vois, c'est juste que j'ai vu sur Steam qu'il avait des très très bons retours. Je me suis dit, ça aurait peut-être le coup, justement, en plus, vu qu'il est sorti sur PSVR maintenant, de s'y attarder, de regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Effectivement, j'ai pas été déçu. Mais c'est vrai qu'à première vue, quand je l'ai vu, ça m'a pas fait rêver, quoi. Mais à tort, parce que finalement, c'est un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. D'accord. C'est une boîte de bonbons. C'est une grosse boîte de bonbons bien flashy et bien sucré. Voilà. Voilà. Et ben, on va passer du coup maintenant au gros du débat. Mmh. Et je ne parle pas que de Laurent. Ah. C'est donc les dernières communications. Du débat. Je vais plus manger pendant trois semaines. Et c'est même pas vrai en plus. Tu es svelte. C'est donc la communication. Est-ce qu'on peut appeler ça de la communication encore de la part de Sony, qui nous désarçonne un petit peu en ce moment. On se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. Internet, j'ai l'impression, est divisé en deux catégories. C'est ceux qui sont ultra pessimistes et ceux qui sont ultra optimistes et qui y croient et qui sont à Bisounours City. Donc nous, on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense, quoi. Et donc, pour faire un petit peu le fil de l'actualité, Laurent, je te laisse œuvrer, car c'est toi qui va dénicher un petit peu toutes les informations là-dessus. Ben, tout a commencé il y a deux semaines, en plein... Vous étiez déjà en train de préparer l'enregistrement du podcast. Et puis moi, en plein enregistrement, en fait. Voilà. Et puis moi, exceptionnellement, j'avais du monde, donc du coup, je n'avais pas pu participer à cette émission, mais du coup, je vais faire un tour sur le site du Washington Post. Et je tombe sur une interview de Jim Ryan, que tout le monde a vu passer d'ici là. Donc c'était le 29 octobre, ça a été publié à 19h, heure française. Et donc, interview de Jim Ryan qui présente quelques fonctions de la PS5. Bon, ben, on sait comment ça se passe hein, en général. Et puis, là-dedans, ben, il y avait un joli chapitre sur le PSVR, car les journalistes du Washington Post ont posé une question sur le PSVR. Et c'est là que ça a commencé. Quand je suis arrivé sur ce chapitre-là, je me suis arrêté. J'ai dû le relire à peu près, on va dire, une trentaine de fois avant de comprendre si j'avais bien compris ce que j'avais compris. et donc, ça a commencer surtout par quelques lignes qui étaient avant la en fait cet article du Washington Post, il était lié avec une vidéo où on voyait Jim Ryan qui répondait aux questions. Seulement ce qui était dommage, c'est que cette vidéo était tronquée, ils ont gardé que quelques phrases type, et c'est sur la version écrite qu'il y avait tout le reste, quoi. L'intégralité, voilà. Donc, les grandes lignes qui m'ont fait faire un bond, en fait, tout de suite, ça a été les suivantes. Donc, ça a commencé par les lignes quand le journaliste pose des questions sur l'avenir du PSVR et sur PS5. Et là, il écrit, donc, sur le texte, hein, c'est pas quelque chose qui est dans la version vidéo, il écrit mot pour mot, Ryan dit qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience de jeu la plus immersive, la réalité virtuelle. Et il ajoute, il n'y a actuellement aucun projet public pour un casque spécifique à la PS5. Donc déjà, ces deux phrases, paf, tu t'assois, tu te dis, bon... Coup de bambou. Ryan dit qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience de jeu la plus immersive. Donc, pas de saut immédiat, ça veut dire que la PS5 ne va peut-être pas traiter du tout la VR au début. Et après, c'est carrément cash, il n'y a actuellement aucun projet public pour un casque spécifique. Tu te dis, bon, bah d'accord, il n'y a même pas de projet en cours, il n'y a même pas de... Alors après, il y a une deuxième partie où là, vraiment, cette partie-là dans le texte, elle est entre guillemets, et c'est vraiment Jim Ryan qui l'a dit, et on peut entendre ces mots-là, ils sont dans la vidéo. Où là, il dit « Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l'avenir de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle. Et nous sommes convaincus qu'à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante significative du divertissement interactif. Cela arrivera-t-il cette année ? Non. Cela arrivera-t-il l'année prochaine ? Non. » Mais cela viendra-t-il à un moment donné ? Nous le croyons. Et nous sommes très satisfaits de toute l'expérience que nous avons acquise avec PlayStation VR et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur. Donc en fait, cette partie-là, c'est la partie qui a été la plus récupérée par la presse. La plupart des articles ont vraiment parlé de ce bloc-là, qui finalement, ce bloc-là, à lui tout seul, il n'est pas si dramatique que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Ils ont dit « c'est pas cette année, ok ». Non, donc pas 2019, c'est pas l'année prochaine, pas 2020, c'est pas l'année prochaine, pas 2021, donc pouf, PSVR 2 en 2022. Alors. Et il y a plein de gens qui font cette... alors qu'ils ne parlent pas du tout de ça. Et lui, il parle de la réalité virtuelle, il ne parle même pas d'un casque, d'un PlayStation VR. Il dit juste que la réalité virtuelle sera un marché qui va exploser. Est-ce que ce sera cette année ? Non, il ne pense pas. Est-ce que ce sera l'année prochaine ? Non, il ne pense pas. Mais ça arrivera ? Oui, je pense. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Donc sur ce bloc-là qui a été récupéré sur tous les articles, Franchement, il n'y avait rien de... Par contre, c'est ces deux lignes qui posaient vraiment souci, parce que le Washington Post cite directement Ryan en disant que Ryan dit ça. Donc là, voilà, là je me dis, mince, je m'assois, c'est bon, c'est terminé, tout est foutu, c'est écrit noir sur blanc sur un... En plus, ce n'est pas un petit journal, le Washington Post, donc c'est pas quelque chose qui aurait pu être... Donc ben, de là est sorti le premier article de VR4Player, avec un titre qui pouvait sembler « Sony lâche la VR ». Et entre parenthèses, au moins pour 2 ans. Boum, prenez ça dans les dents. Et puis, je vous assure que faire un article comme ça, ça fait pas plaisir du tout. T'en avais gros sur le cœur. Ah ouais, ouais. Effectivement. Donc, voilà. Mais pas que lui. Hein. Je préfère faire des articles qui annoncent des bonnes nouvelles que faire ce genre de truc. Ouais, c'est clair. Bon, on en était là, on avait ces deux phrases, on va se coucher, hein, on va rester tranquille. On va bien dormir. On va bien dormir, on verra demain. Le lendemain, boum, rebondissement, le Washington Post, le 30, qui poste un correctif à son article. Alors que mon article est sorti à environ 1h30 après celui du Washington Post, bien sûr. Donc, je crois qu'ils ont appelé, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Hein, donc... justement, le correctif porte sur ces deux fameuses lignes qui posent souci. Et le correctif indique bien une version antérieure de cet article attribuée à Jim Ryan, le manque de plans connus du public pour un casque spécifique à PlayStation 5. Ryan n'a pas spécifiquement abordé le problème d'un casque PS5 VR. Sony n'a fait aucun commentaire public sur de tels projets à ce jour. Donc en gros, Washington Post quand même, c'est quand même des journalistes qui sont quand même connus. Et ils font dire des choses que les gens n'ont pas dit. Donc en fait, en gros, ce correctif supprime, annule une des lignes, une des deux lignes qui nous a... Il annule clairement la ligne qui disait que Ryan avait dit qu'il n'y a actuellement aucun projet public pour un casque spécifique à la PS5. Donc il n'y a plus cette ligne, par contre il reste l'autre. Et l'autre, c'est toujours Ryan dit qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience de jeu la plus immersive, la réalité virtuelle. Donc pas de saut immédiat dans les deux prochaines années, quoi. Non, pas dans les deux prochaines années. Hein. Il n'y aura pas de saut immédiat. Et c'est justement, qu'est-ce que ça veut dire saut immédiat ? Ça pourrait être interprété en disant, on parlait tout à l'heure des pessimistes et des optimistes. Il y a des gens qui vont dire pas de saut immédiat, ça peut très bien être, dans un an. Dans un an, il lance la PS5 et puis dans un an, il y aura peut-être un nouveau casque, par exemple. Et puis, il y a les plus pessimistes qui vont dire pas de saut immédiat, ben, c'est fini, il n'y a plus de VR. Il n'y a pas de saut immédiat. Alors, pas de saut immédiat, ça veut quand même dire qu'il y en aura, il y aura quelque chose derrière. Sinon, il dirait ben, c'est terminé. Quoi. Donc, voilà. Donc, cette phrase, ok, celle-là, on la garde. Hein. Autant la partie, l'autre partie, elle n'est pas très gênante parce qu'il parle vraiment de réalité virtuelle, mais cette phrase, elle n'a pas été corrigée par le Washington Post, donc elle est toujours là, qui dit qu'il n'y aura pas de saut immédiat de Sony dans l'expérience. Alors après, il faut juste savoir ce que veut dire un saut immédiat. Est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme? Ça, on n'en sait rien. Ce qui était un peu particulier aussi dans cette interview, c'est la partie où il dit que les ventes ont baissé en 2020. Oui. Oui. Oui, mais ça, c'était pareil. Ça faisait partie aussi du bloc. C'était un peu une interprétation du journaliste, ça aussi. Mais disons que c'était moins problématique parce que cette phrase-là, elle n'était pas attribuée à Jim Ryan. C'était le journaliste qui parlait. Non, mais c'était une manière d'annoncer, si tu veux, et de tourner un peu l'article dans c'est le sens ça. Où... C'est une amorce de la suite. Voilà. Étant donné que les ventes baissent, Jim Ryan déclare ceci. Disons que quand on lit ce passage-là, c'est vrai qu'un joueur fan de VR, il se décompose, quoi. Il se dit c'est bon, quoi, c'est terminé, c'est fini. Bon, c'est bien, donc il y a eu un correctif, on est le 30, on va se coucher. ça ira mieux demain. et non, ça va pas mieux demain. Parce que le lendemain, nouveau. Donc c'est sur un article de Upload VR qui, justement, suite à cette publication du Washington Post de Jim Ryan, qui ont contacté Sony pour en savoir un petit peu plus. Et là, il y a un porte-parole de Sony qui leur a déclaré par email « Nous n'avons pas annoncé de titre PS5 pour le PSVR ». Alors, ça aussi, qu'est-ce que ça veut plutôt tout dire et rien dire. Nous n'avons pas annoncé de titre PS5 pour le PSVR, mais ça, oui, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous allez en annoncer ou est-ce que vous allez... C'est ça, ouais. Vous n'en avez pas annoncé. Vous n'en avez pas annoncé. Est-ce que c'est pas encore ou est-ce que c'est pas du tout donc voilà, on en était là. Surtout que cet article de Upload VR précise qu'on a besoin de la version PS4 de Hitman 3 pour le lire en VR sur la PS5. Donc ouais. Là, ça remet en cause beaucoup de choses parce que Hitman 3... Ce qui est quand même une aberration. Carrément. Bah voilà, Hitman 3, c'était un jeu quand même qui était présent dans la catégorie PSVR. Dans ces deux versions, la version Deluxe et la version classique PS5, elles sont présentes sur tous les PlayStation Blocks du monde, hein. Parce que je me suis amusé à chercher de partout, la version PS5 est présente dans la catégorie PSVR. Il y a les quatre versions. Là, les deux Deluxe PS5 et les deux classiques PS4 PS5, ils sont tous présents dans la version PS5. Ce qui veut dire que c'est un jeu PS5 qui sera compatible PSVR. Et là, avec cette annonce de ce porte-parole via Upload VR, on apprend que finalement, elle n'existe pas, cette version PS5. On pourra jouer à Hitman 3, on achètera le jeu Hitman 3 sur PS5 et on va y jouer sur une PS5. On va jouer à la version PS4 sur PS5. Tout est fou. Parce qu'au final, la question c'est qu'est-ce qu'il advient si tu achètes la version PS5 À ce moment-là, on ne le savait pas, maintenant on le sait. mais à ce moment-là, de notre petit périple chronologique, on ne le savait pas. Donc là, jusqu'à présent, on avait même fait un article, nous, là-dessus, en disant « Putain, bonne nouvelle, les gars, vous avez vu que le jeu PS5, il est classé sur... » Et puis en plus, on apprend aussi derrière qu'il y a No Man's Sky qui arrive avec une mise à jour de malade, Next Generation, en PS5, qui est vachement plus beau et tout. Et dire « Si Hitman 3, sa version PS5, elle est dans les PSVR, ça va être pareil pour Next Generation de No Man's Sky. » On se met à rêver, quoi. Et là, l'article d'Upload, le surlendemain, blam, prend un nouveau coup de batte de baseball derrière la nuque. Et pour finir le tout, parce que ça suffisait pas, il y a Victor Blanco, donc, qui est un développeur qui a créé le jeu DWR, qui justement était un jeu qui n'était pas compatible PS5. Donc en ce moment, il est pas mal écouté parce qu'il a tout de suite réagi quand il a vu que son jeu n'était pas présent avec Robinson's Journey dans la liste des jeux compatibles PS5. Et quasiment le jour même, je crois, il a répondu en disant qu'il allait tout faire pour modifier son jeu, le patcher, pour qu'il soit compatible sur PS5. Donc à partir de là, on était attentif, on le suivait. Et c'est là qu'il a déclaré « Il n'est pas possible de prendre en charge le PSVR dans les applications PS5 ». Donc les applications PS5, c'est-à-dire le dev kit, c'est-à-dire les outils de développement. Les outils de développement, ce qui veut dire en gros que la PS5 ne peut pas développer de jeux PSVR, tout simplement. Et il précise, tous les jeux PSVR qui fonctionnent sur PS5 ne le feront que par rétrocompatibilité. Donc ce qui veut dire que non seulement le dev kit de la PS5 n'a pas les moyens de créer des jeux PSVR, même pour un développeur qui le désire, et en plus, que tous les jeux qui fonctionnent sur PS5, ils seront forcément en VR rétrocompatibles, ne pourront pas être natifs. Donc là, c'est encore pire. Tu te dis, mais c'est un cauchemar, en fait. On est en train de vivre un cauchemar. Pourquoi ? Et forcément, derrière, la dernière petite news, c'est celle de Resident Evil 8. Mais du coup, elle devient logique, parce que forcément, Resident Evil 8, on sait que les développeurs de chez Capcom, à la base, ont travaillé leur jeu sur la next-gen. C'est vraiment un jeu qui était prévu sur la PS5 et la Xbox Series X. Quand on sait tout ce qu'il y a au-dessus, si c'est un jeu PS5 exclusif comme Ratchet & Clank, il sera jamais VR. Voilà. Et Resident Evil VR, c'est quand même un jeu qui est attendu par un bon paquet de joueurs, je pense. Je pense qu'on peut dire globalement qu'on a passé des bonnes semaines là quand même. Mal. Hein. Jour après jour. Donc c'était le coup de batte. Le matin, tu te lèves, tu dis allez, je vais me prendre quoi dans la gueule ce matin. C'était le calendrier de l'avant, un petit peu en avance quoi. Chaque jour une petite, un petit chocolat. Resident Evil 8, il y a un autre problème, c'est que vraisemblablement, il y a le souci de rétrocompatibilité et de pardon, pas de rétrocompatibilité, de cross-génération. Mm-hmm. où bah, y a pas mal de jeux qui étaient censés, ou que tout le monde pensait être exclusifs PS5 et qui au final sont cross-gen avec des versions PS4. Et du coup il semble que PlayStation ait demandé à Capcom de faire une version PS4 de Resident Evil 8. Oui. Et à ça ils ont répondu que ça allait être compliqué mais qu'ils allaient essayer quoi. Ça c'était donc, à si la plus... Japan, au Japan Studio, ils avaient fait une conférence Capcom. Ouais. Et donc eux à ce moment-là on sentait que qu'il y avait, attends, j'ai pas fini. Qu'il y avait un truc de bizarre quoi. Vas-y. Et ce que je veux dire c'est que bah du coup s'ils galèrent à sortir une version PS4, il y aura même pas de version techniquement jouable de version PSVR PS4, donc plus ou moins être compatible. S'il n'y a pas de version PS4, il n'y a pas de VR tout simplement. Ah bah oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc on peut même pas s'accrocher c'est à ça. C'est pour ça que ce news, elle est pire que pire, parce que depuis Resident Evil 7, tout le monde dit putain, c'est la suite. On attend le 8 pour jouer en VR, et puis en plus, quand tu as joué au 7 en VR, tu vas pas te retrouver sur un écran plat. Voilà, c'est les gens qui ont joué surtout à Resident qu'il est à la première personne aussi comme voilà. 7, quoi. En plus un jeu à la première personne donc et puis là les développeurs en plus on les sentait un peu embêtés, on les sentait parce que le jeu il était tellement poussif apparemment au niveau de son moteur, au niveau de ses rendus, au niveau de beaucoup de choses que c'est le même moteur que bah que c'est le RE Engine, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est le même moteur que les derniers remakes. C'est le même moteur que Resident le 7. Remake du 3, oui. Oui, mais apparemment, ils ont surexploité le SSD pour faire cette version de Resident Evil 8. Et forcément, un peu bah, comme Ratchet & Clank. Hein, Ratchet & Clank, il tournerait difficilement, à mon avis, sur une PS4, justement à cause de ces transitions. Ah, il a été confirmé exclu PS5. Voilà. Et j'ai l'impression qu'ils ont pas, ils s'y attendaient pas. Au départ, ils ont dit bon bah c'est bon, on fait notre jeu, on le fait next gen. Et puis tout d'un coup, il y a eu un changement de direction. Et ils se sont dit ah, mais le problème c'est que est-ce qu'il va pouvoir tourner sur une PS4. Et ça c'est un souci. Et du coup, la version PS4, elle est annulée. Hein. Donc il y aura pas de version PS4. Donc dire qu'il y en a qui sont donc pas de version payés pour penser à tout ça quoi. Donc on s'est pris nos 4 bonnes petites gifles. Donc, comme je vous disais, ben, on ne prend pas plaisir à écrire ce genre d'article, surtout quand il y en a 4 de suite, parce qu'on se dit, merde... Et puis le pire, c'est qu'à ces moments-là, on se dit, bon, on va essayer de trouver quand même quelques infos, quelques news pour les caler entre les deux, pour essayer de calmer le jeu, quoi, de ne pas annoncer... Mais l'envie n'y est plus. Ben, c'est pas l'envie, c'est que tu ne trouves rien à ce moment-là, cette semaine-là. Tu avais beau chercher de partout, des news enjouées sur la VR, tu n'en trouvais pas. Parce que tout le monde parlait de ça en plus. Hein. Donc suite à tout ça, eh ben forcément, il y a eu des pétitions. Il y a eu sur Reddit, ça s'est bien enflammé. Sur plein de sites différents, sur Twitter, ben on voyait bien que ça réagissait, hein, que les gens, ils en avaient, les joueurs, ils en avaient. Il y a un mec qui mettait des posts No VR, No PS5. Pierre Larigo sur Twitter. Oui, oui. En même temps, ça se comprend. Parce qu'on se sent abandonné, on a l'impression que ben, ça y est, la PSVR, le PlayStation VR va finir à côté de la Vita et que le développement est mort. Et puis nous en plus de notre côté, c'est pareil, on voit bien que les studios ben, ils développent plus sur PSVR. Oui, parce que c'est ça en fait le fond du problème. Ben voilà. Parce qu'il faut surtout au final dire que le problème, c'est pas que le PSVR 2 il sorte dans 10 ans. Ou qu'il n'y ait pas de PSVR 2 de prévu, mais que ce soit un autre casque X qui soit sorti de la PlayStation. Enfin bref, on en a déjà parlé. On s'en fout du PSVR 2. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au PSVR 2 s'il n'y a pas d'upgrade graphique via la PS5 en fait. En fait, qu'on va faire avec le PSVR. Le fait que Sony dise carrément qu'on va pas y aller, c'est en fait ça va casser la dynamique des développeurs VR. Ceux qui voulaient justement y aller vont se dire est-ce que ça vaut le coup vu que la plateforme sur laquelle les casques VR se vendaient le plus, c'est-à-dire PlayStation, font une pause, parce que c'est juste une pause en fait. On espère en tout cas que c'est qu'une pause, mais du coup ça va complètement casser la dynamique de la VR, c'est ce qu'on pense en tout cas. C'est ça. Et puis après tu as des retours, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on pose des questions, qu'on dit tiens c'est bizarre, 2018 ok, 2019 c'est plus calme, il y a moins de jeux, on contacte les développeurs, ils disent non, bah, pour l'instant non, on n'a rien de prévu, on va développer sur Quest, on va développer sur PC. Et puis par contre, sur on va dire peut-être une 30 ou quarantaine de mails, eh ben, tu as 3-4 fois des retours qui te disent non mais on ne développe plus sur le PSVR, il est obsolète. paf, bon ça. Donc, tu commences à comprendre petit à petit. Là, le calendrier des sorties, on veut bien être optimiste, mais on sait très bien que le calendrier des sorties pour l'année à venir sur PSVR, il va pas être. Si on a un jeu par mois, ce sera bien. Et c'est, encore si c'est un bon jeu. Mais à terme, ouais. On sent que la machine, elle est ralentie parce que les développeurs ont bien conscience que le casque maintenant a 4 ans, qui date de 2016, qu'il a une dalle de 1080p. Alors le casque en lui-même, c'est pas le problème. Le casque, c'est pas le problème. Ça, c'est super important. On va dire qu'il le problème, c'est les moves et la PS4. Il est obsolète au niveau du marketing, mais au niveau du matériel, il peut encore avoir une très très bonne vie derrière. Je suis pas inquiet pour ça. Par contre, il faut qu'il y ait une volonté pour ça. Et les développeurs, on sent qu'ils lèvent le pied. Ça, c'est sûr qu'ils lèvent le pied. Sinon, il y aurait beaucoup plus de développement en cours. Et puis, sans parler de tous les jeux où on nous dit oui, il sortira sur PSVR. Et puis, quand il sort, ils disent non, bah finalement, non. Et puis, ça, on les compte, mais il y en a un paquet. Donc, bah, le dernier en date, bah, c'est un, Visage. Ouais. Visage aujourd'hui, voilà. Ouais. Le jeu d'horreur, là, voilà, ça s'est tombé. Il y a quelques temps, c'était tout beau, tout rose. Il arrivait sur le PSVR. Et puis là, c'est fini, il n'y arrive plus. Il est même pas encore en VR sur PC. Hein. D'ailleurs, c'est, je pense que c'est encore prévu, mais c'est toujours pas d'actualité en tout cas. Donc, ben, faut les joueurs PSVR, ben déjà, moi, je les comprends. Alors après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont peut-être mal interprété, qui vont dire. Vous inquiétez pour rien, il y a un PSVR 2 qui arrivera en 2020, mais c'est très bien ça, mais si, en 2022, mais c'est très bien, mais s'il arrive en 2022, on va faire quoi pendant 2 ans avec un casque PSVR, en plus ce casque PSVR qui a déjà 4 ans, je sais pas si vous avez remarqué sur Reddit le nombre de personnes qui disent que l'écran noir, le son qui marche plus, il se décompose aussi au niveau de ses mousses. Il tiendra pas 2 ans le PSVR. Moi le mien c'est le boîtier connectique là, enfin l'allumage de la version 1 du PSVR qui a cramé. Voilà. Donc moi mon casque il est en mode zombie, hein, il est en train de se désagréger au fur et à mesure. Moi c'est pareil, moi je l'ai eu le 13 octobre en 2016, donc c'est bon, il marche, mais bon, pendant combien de temps? C'est bien joli. Allez, on va se dire, on va être positif, on va dire bon, bah il y a un PSVR 2 qui déboule en 2022, c'est très bien. Par contre, maintenant, il faut qu'on ait 2 ans avec un PSVR sans jeu PS5, donc on va même pas pouvoir avoir des jeux qui vont envoyer du pâté, quoi, on va dire, sur PS5. Et on va finalement se retrouver avec des jeux rétrocompatibles PS4. Et dans ce même temps, les développeurs ont pas l'air bien motivés pour sortir des jeux sur PS4. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an? Le PSVR, il va finir dans un tiroir, hein. C'est ça. Donc jusqu'à là, voilà, là, on en était là, c'était... Et puis, pouf, tour de magie, attention. Et le tour de magie, c'est London Studio avec Blood and Truth qui balance, et c'est quelque part... c'est une bonne chose, hein. Un bon message, c'est un message, oui, minimum. Voilà, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Mais alors, ce que je fais, je globalise tout, puis après c'est vous qui allez vous lâcher, je pense. donc c'est intéressant, c'est que on sait que Blood and Truth, autant sur PS4 que sur PS4 Pro, c'est un jeu qui tourne à 60 fps. Pourquoi ça, 60 fps? Parce que justement, dans le développement du jeu, ils ont bloqué les FPS à 60. Pourquoi ils bloquent à 60 d'ailleurs? C'est pour justement éviter de perdre, parce que les machines ne sont pas forcément des machines de guerre en VR, donc c'est pour éviter de perdre des ressources sur 70 ou 80 ou 90 FPS et garder ces ressources pour avoir plus de calculs sur des zones. Sur des zones plus compliquées à calculer. Donc du coup, tu restes sur du 60 stable, c'est figé. Et ça reste confortable en plus. Le système ne peut jamais dépasser à 61, c'est 60, point final. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? London Studio nous parle d'un patch. Alors là, tout le monde s'éclate, putain, un patch PS5, le jeu à 90 FPS, en plus avec une meilleure résolution et tout ça. Donc bon, ça c'est donc ce qu'on appelle la fonctionnalité du Game Boost qui est intégrée à la PS5 et qui va permettre un peu comme un PC Sauf que c'est pas tout à fait pareil, mais on ira peut-être plus dans les détails, et qui va permettre de booster en fonction de la puissance. Si le jeu peut proposer plus, et ben la PS5 elle va pouvoir monter plus haut. Pour ça, les développeurs par contre doivent activer une fonction, donc ils doivent activer le framerate dynamique et la résolution dynamique sur la version PS4, et à ce moment là justement on fait sauter ce verrou de 60 fps, et comme un gros PC, la console, si elle voit qu'elle peut monter à 90 ou à 120, elle va monter à 120 naturellement, parce que de toute façon on sait qu'elle sera forcément au plus bas au-dessus de 60, donc elle peut monter bien plus haut. D'ailleurs ils précisent pas que c'est du 90 fps constant sur tout le jeu, ils disent que ça monte jusqu'à 90 fps, donc il y a des, voilà, le jeu se balade entre 60 et 90 grâce à cette fonction. Donc ça c'est la première amélioration que le Game Boost va offrir au jeu PS4 sur PS5. Et dans ce sens là ce qui est intéressant, c'est qu'au final un jeu PS4 Pro sera meilleur sur PS5 que sur PS4 Pro. Donc, donc c'est intéressant ce côté-là. Ensuite, encore heureux, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la même chose qui se produit, mais cette fois sur les textures, où on va déverrouiller les textures. Et là, la PS5, elle va faire quoi ? En fonction d'un objet qui doit s'afficher plus ou moins vite ou qui soit plus ou moins loin, on utilise toujours, il y a toute une gamme de déclinaisons de la même texture qui va être une texture qui sera vraiment brouillonne pour les points qui sont très loin. Et puis plus vous vous approchez et plus ça change de texture. On voit ça souvent dans des jeux comme Ark Park sur les textures de dinosaures. Ou quand on est loin, le dinosaure il ressemble à rien. Puis quand on, pas Ark Park, le Ark Survival. Et quand on se rapproche du dino, et quand on pose les yeux dessus, il a une super texture avec, on voit bien les écailles et tout le machin. Mais plus tu recules et plus tu vois que la texture, elle part en vrille parce que tu n'as pas besoin d'être aussi précis. Et donc, que va faire la PS5 avec ce système-là, toujours avec ce Game Boost, c'est que si elle s'aperçoit qu'il y a des ressources qui ne sont pas utilisées, eh ben elle va aller chercher ces belles textures et les mettre tout le temps, en fait, en permanence, sur tout le jeu. Donc ce qui va arriver, c'est qu'il y a de grandes chances que le jeu soit moins flou sur PS5 que sur PS4, parce qu'il aura des textures de meilleure qualité. Idem aussi au niveau de la résolution. Au niveau de la résolution, le système va prendre la résolution la plus élevée qui est possible, qui est offerte en permanence. Donc du coup, ce sera beaucoup plus net. Et enfin, le framerate qui sera beaucoup plus stable et qui pourra monter à 90, voire sur certains jeux, qui va carrément pouvoir taper enfin les 120 Hz réguliers sur du PSVR. Donc on peut dire que par rapport à la base du jeu et comment il a été développé, on va avoir quand même la version la plus stable et la plus optimisée de Blood & Truth. Oui. Tout simplement. Oui, en théorie, oui. En théorie, oui, c'est ça. Pour résumer. Donc c'est quelque chose de plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, le souci, c'est que tous les gens qui... Il y a beaucoup de joueurs qui croient que c'est effectivement un patch, alors qu'il faut bien préciser que ça n'est pas un patch, en fait. C'est quelque chose qui est automatique. C'est la PS5 qui va gérer ça automatiquement à partir du moment où on aura activé deux interrupteurs. Non, mais ça reste un patch. Le patch, c'est trois lignes de code qui vont dire j'allume les deux interrupteurs. Oui, certes, mais ça reste un patch. Ouais, mais bon. C'est pas un remake. Le problème, c'est quand on commence à parler de patch, y a beaucoup de gens qui disent ça y est, putain, ils ont pas tout arrêté, ils sont en train de développer Blood & Truth sur PS5. C'est pas une refonte totale du moteur graphique du jeu, quoi. C'est juste un patch, voilà. C'est même pas une refonte, qui déverrouille c'est juste certaines options d'allumer. Oui. Justement, c'est ce que je te dis, c'est pas une refonte du tout du moteur du jeu, comme tu peux avoir sur PC sur certains titres. C'est uniquement juste quelques déverrouillages de quelques options. C'est juste laisser la liberté à la PS5 de proposer plus. Et qu'est-ce que le Game Boost ne va pas proposer justement ? Ça va être le dossier des assets, c'est toujours les mêmes textures. C'est toujours les textures qui étaient sur PS4 et sur PS4 Pro. Donc si par contre le jeu bénéficie de textures améliorées sur PS4 Pro, la PS5 va bien sûr utiliser celle de la PS4 Pro. Mais tu n'auras pas d'effet de lumière supplémentaire, tu n'auras pas d'effet de particules supplémentaires. Ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on est tous en train de regarder aussi les temps de chargement sur Iron Man ou des choses comme ça. Le jeu, il n'est pas du tout optimisé PS5 avec tous les avantages du SSD de la PS5. Du moment qu'il tourne sur un SSD plus qu'un sur un disque dur à plateau, forcément tu auras auras, bah, auras un gain au niveau des temps de chargement. Tu gagnes un petit peu, mais c'est rien du tout à côté d'un jeu PS5 qui va tourner avec le SSD. C'est absolument rien. Et ça, c'est pareil pour les jeux plats, et que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation 5. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux vont avoir un gain de quoi, 30-40% maximum, pour certains un petit peu plus de temps de chargement, mais ça ne va pas aller plus loin, quoi. Ouais, mais sauf que le SSD de la PS5, c'est pas pareil encore. Mais non, c'est pas pareil. Oui, non, mais d'accord. Mais dans l'idée globale, je veux dire. Mais bon, déjà, elle va pas vraiment. Ils vont bénéficier de temps de chargement plus rapide, ce qui va être super sur des jeux comme Iron Man VR, ça c'est clair. Mais bon, on va peut-être arriver à diviser par deux, grand maxi, dans le meilleur des cas. Ah, mais il y a déjà des tests qui ont été faits là-dessus. Voilà. Après, et ça donne quoi? C'est ça, c'est une division par deux. Au lieu de mettre une minute trente, tu mets 30 secondes. Mmh. C'est déjà pas mal, quoi. Oui, c'est beaucoup mieux, c'est énorme. Mais après, au niveau des modélisations, au niveau des textures, ça sera toujours des textures PS4 ou PS4 Pro. Ce qu'il faut pas croire, c'est qu'on va se dire, putain, là j'ai ma PS4 Pro d'allumer avec un PSVR, j'ai ma PS5 à côté d'allumer avec un PSVR, et je jongle d'un casque à l'autre, je vais dire, waouh, c'est trop génial. Non, ça va pas être le jour et la nuit, quoi. Ça va juste du confort. Voilà, le jeu sera un petit peu plus net, un petit peu comme ce qui pouvait l'être sur certains jeux entre la PS4 Pro et la PS4. Ça sera un peu mieux parce qu'il y aura même du super sampling en plus. Donc ça va augmenter le nombre de pixels à l'affichage, donc ça devrait être beaucoup plus net. Ça, on aimerait bien vérifier. Mais bon, on en parlera quand on aura de quoi vérifier. Moi, il y a un truc qui me choque tout le temps, c'est que bien souvent, les gens font la confusion entre quand ils disent le jeu est beaucoup plus beau, ils font la confusion entre les graphismes et la résolution d'un jeu. Les graphismes, ça reste des textures, ça reste de la modélisation, c'est ça des graphismes. La résolution, c'est la netteté de ton écran qui va être plus nette dans tel ou tel truc, mais c'est pas parce qu'un jeu est plus net que ses graphismes sont mieux. Ça par contre, ils sont plus beaux, ouais. Voilà. Non, par contre, l'immersion est meilleure. Oui, non, mais là on parle de graphisme ou de résolution, l'immersion, on s'en fout. Non, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça compte quand même. Enfin, c'est pour ça, moi je disais tout à l'heure, il faut quand même. Pas saluer le geste, mais être content de ça, parce que ça reste un problème assez important qu'on avait sur les versions PS4 Pro, notamment, où il fallait choisir soit entre l'anti-aliasing, soit entre la netteté de ton jeu, et ça peut être corrigé grâce au mode boost. Ouais, donc, c'est quand même une chose assez importante. C'est bien pour le moment. Mais c'est le minimum. C'est le minimum. Tout à l'heure, c'est le minimum à faire aujourd'hui avec la PS5. Moi, on ne doit pas se contenter de ça pendant 2 ans, mais par contre, c'est le minimum pour un départ de gêne à faire avec les jeux qui existent sur PS5. Si je peux me permettre un truc, c'est un petit peu aparté. J'ai regardé un petit peu des visuels sur le Devil May Cry 5. Sur PS5, bon voilà, en ce moment c'est la foire au comparatif Xbox Series X PS5, mais il y a un truc qui est commun et qui me gêne justement sur ce début de génération, sachant que Devil May Cry 5 est un jeu de précédente génération, donc PS4 Xbox, et que tu as des options encore dans le jeu entre la version fluide et la version Ray Tracing, et que tu ne peux pas choisir sur les monstres de puissance qu'on a, qui sont donc 5 fois ou 6 fois plus puissantes que la génération précédente, t'es encore obligé sur des jeux qui étaient prévus pour la génération précédente de choisir le potard fluide ou ray tracing, et que les deux ne peuvent pas se combiner justement pour avoir la version fluide avec des effets visuels de lumière supplémentaires. Et moi je trouve ça assez hallucinant, quoi. Ça a jamais changé, moi non plus, parce que ça a jamais changé ce problème là sur PS4. Mais au moins ils te laissent le choix aujourd'hui. Ouais, mais jusqu'à présent tu l'avais pas. Si tu l'avais sur PS4 la génération pro, tu l'avais. On commence à te laisser le choix, et c'est bien, ils continuent comme ça. T'as des gens qui en ont rien à faire du 60 fps, qui vont préférer avoir le top du top des graphismes, et t'en as d'autres qui vont y accorder beaucoup plus d'importance. Et puis t'as aussi ce problème de résolution qui vient se greffer dedans, où t'en as qui te disent de la 4K c'est génial. 4K obligatoire, ouais. Moi je m'en fous, j'ai une télé 1080. Donc ils essayent un peu de satisfaire tout le monde en offrant un maximum de réglages possibles et sélectionnables par le joueur lui-même. Et ça, je trouve pas que ça soit un mal, tu vois. Non, c'est pas un mal, mais moi je trouve ça triste sur un jeu de la génération précédente, un jeu qui a quand même quelques années, qui tourne maintenant sur des consoles qui viennent tout juste de sortir, qui sont pas foutues d'optimiser le bordel. En plus, c'est le moteur Resident Evil justement pour Devil May Cry 5. Début, hein. Ouais, c'est le début. Non, je trouve ça chaud quand même. Prends God of War. Je me répète, prends God of War. Personne l'aurait fait tourner sur une PS4. Hein. Et pourtant, voilà le jeu. Ouais, il faut surtout se dire que le ray tracing, faut pas rêver non plus. Sur des PC bien plus puissants que la PS5, il est même pas foutu de faire du full ray tracing sur tout un jeu. Et tu prends Watch Dog, il est quand même très joli en ray tracing. Après, c'est du 30 images par seconde, mais bon. Oui, sur Devil May Cry 5, le ray tracing, je te mets au défi de le voir, hein, franchement. Ouais, alors, moi, il y a une scène que j'ai vue avec les flaques d'eau. Ouais, je trouve vraiment pas ça génial. Je trouve que ça fait dégueulasse. Les flaques, on dirait des flaques d'huile. Ouais, c'est très pixelisé, pas net, pas naturel quoi. Ça j'avoue que le rendu dans cette zone-là n'est pas joli. Après, pour tout ce qui est reflet dans les bus et tout, mais encore une fois, c'est pas. J'accorde pas ça comme une grosse évolution qui va te sauter aux yeux, mais par contre, ça crée plus une ambiance en fait, plus une ambiance plus réaliste. Ça peut être bien utilisé dans certaines scènes précises, et c'est peut-être quelque chose qu'ils arriveront à faire plus tard dans la génération. Moi perso, ce qui me choque tout le temps, c'est que quand on était sur PS3, on nous promettait du 1080p, on l'a eu sur PS4. Quand on était sur PS4, on nous promettait de la 4K, on l'a sur PS5. Maintenant qu'on a la PS5, on nous promet du ray tracing, on l'aura sur PS6. Mais ce sera sur la génération. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais, donc c'est quelque chose. C'est les débuts, écoute. Ou sur la PS5 Pro. Peut-être. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, tout le monde se plaint de la guerre des consoles, et puis moi ça me gonfle au plus haut point cette guerre de consoles. Mais il faudrait au bout d'un moment qu'on arrête un petit peu de mentir aux joueurs. C'est-à-dire que les commerciaux justement arrêtent de nous vendre. De mentir du rêve. Par omission. Et oui. Et là, justement, avec la com de Sony, la non-com de Sony, encore, dont on parle depuis des mois maintenant, on est complètement là-dedans. On nous vend du rêve, on nous prend pour des cons, on nous vend du ray tracing qu'on n'est pas capable de tenir avec une résolution. Alors, je comprends que c'est vrai qu'il y a certains trucs qui, par contre... Moi, ça me gonfle. Concernant le ray tracing, moi, perso, je ne me suis jamais fait d'illusion sur le ray tracing, parce que déjà, quand tu sais que sur PC, même avec une 2080 Ti, elle n'est pas foutue d'en faire. Donc, tu vas te dire... Mais tu as le côté technicien, toi, Laurent. Justement, tu t'intéresses à ce genre de choses, mais le joueur lambda, on va dire, à qui on montre des vidéos de Barjo sur des trailers, il va se dire c'est ça que je vais avoir sur ma console. Et non, c'est va falloir choisir entre une fluidité ou alors une résolution et du ray tracing. Mais c'est pas un mensonge dans la mesure où techniquement les deux consoles peuvent faire du ray tracing. Par contre, ça va être du ray tracing localisé, ce sera pas du full ray tracing. Et c'est vrai que sur un rendu, un full ray. Oui, mais c'est du mensonge par omission, Laurent. C'est-à-dire que quand tu dis la console fait du ray tracing, tout le monde pense que ça va être du ray tracing. C'est le souci. Enfin, la majorité des gens. Enfin, c'est le souci, et ils le savent en plus, autant l'un que l'autre d'ailleurs, parce que on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ils disent que le jeu il aura un patch PS5 et qu'il tournera à 90 FPS avec une résolution bien meilleure et tout ça, les gens ont presque l'impression que c'est un jeu PS5 alors que ça n'en est pas un. Les gens se sont arrêtés à l'image, justement. Ils se sont arrêtés au personnage, justement, qui montre voilà, PS5 ready. Voilà, boum. Ça veut dire patch PS5, ça veut dire jeu PS5. Le jeu a été complètement revu et corrigé pour tourner que sur PS5. Et c'est aux joueurs de faire gaffe à toutes ces choses-là, parce que là, c'est du marketing. Et le marketing, ils sont capables de vous dire n'importe quoi, même s'ils ne comprennent rien. Ils sont capables de vous dire n'importe quoi pour vendre. C'est leur objectif, c'est leur but. Ils sont partis dans cette guerre du ray tracing autant sur Xbox que sur PS5. Au final, on va avoir quoi? On va avoir du ray tracing sur Clank, sur Ratchet & Clank. Juste sur le petit robot, on va avoir sur des zones... Par contre, c'est vrai, quand on voit tourner la démo de Unreal Engine 5, on voit bien que du ray tracing, il y en a de partout. Donc, Ça reste une démo. Voilà, ça reste une démo. Donc, techniquement, ça peut arriver, mais ce sera beaucoup plus tard dans The Last of Us 3, on va dire. Bah, tu prends tu prends Miles Morales ou la refonte de Spider-Man, oui, la version PS4, en termes de ray tracing, il y en a quand même pas mal. Bah oui, dans les immeubles, dans les vitres des immeubles, c'est flagrant. Après, ça a un coût. C'est un remake d'un jeu PS4 aussi. Ça, par contre, faut pas le négliger, parce que jusqu'à présent, on était toujours embêté. Alors sur PSVR, c'est rigolo parce qu'on est embêté par les filtres anti-aliasing qui vont te bouffer du framerate, qui a un coût. Sur des jeux PS4, eh ben, c'est pareil. Il faut arriver à maintenir les 30 FPS. Et puis là, maintenant, on nous fout du ray tracing en plus. Donc, certes, les machines sont plus puissantes, mais il y a des nouvelles technologies qui sont très gourmandes. Donc, il faut en même temps tenir 60 FPS, avoir des graphismes pas dégueulasses, avoir du ray tracing, et puis en... Ah, mais le 60 ray tracing, il y a qu'en 1080p, et encore, je crois qu'il y a pas de version 1080p. C'est des machines qui sont très puissantes pour leur prix. Ça, c'est clair que c'est impressionnant d'avoir autant sur Series X que sur PS5, d'avoir ça dans une machine à 499€. Franchement, il n'y a personne qui peut concurrencer ça. Par contre, il ne faut pas non plus les surestimer, ces machines-là. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font, quoi. Pour le moment, dans la présentation de ces consoles, j'ai l'impression que vraiment les marketeurs ont les yeux beaucoup plus gros que les ventres des techniciens, quoi, et des développeurs. Et qu'à force de survendre des consoles, de la puissance, des teraflops, du ray tracing, de la 4K et tout ça, il faut déjà savoir si ta console, si ta machine est capable de proposer aux joueurs ce que tu vends. Et là, c'est pas le cas. Et c'est sur cette génération. Encore, tu pouvais entendre un petit peu du bullshit. Et tu en as toujours eu du bullshit, hein, sur, oui, les dernières générations, sur celle-là. C'est encore pire qu'avant, quoi, j'ai l'impression. Et qu'ensuite, il y a des dirigeants d'une boîte ou de l'autre qui disent « Ah oui, tiens, j'ai ma PlayStation, c'est le concurrent, mais je suis content de l'avoir, et félicitations pour la machine. Bon, » Ça, c'est des violons et du marketing aussi. C'est du violon et du marketing, mais là, on a que ça, là. On a que, ouais, ça. Et ouais. Ok, c'est le nerf de la guerre, mais en ce moment, là, j'en fais vraiment une grosse saturation. Hein. Vraiment. Bah, c'est... Parce que les joueurs, c'est ceux qui sont vraiment prendre pour des cons, c'est vraiment les joueurs. Et la majorité, le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mm. Et ça me rend fou, quoi. C'est sûr que, ouais, il y en a marre. En ce moment c'est par dessous je te tire dans les pattes et par devant allez on va faire une photo. Non mais les gars, si on doit résumer, qu'est-ce qui a fait vendre les consoles next gen aujourd'hui, c'est la rétrocompatibilité et le SSD. C'est les seuls arguments aujourd'hui qui sont mis en avant et matraqués pour la next gen, c'est ça. Ah, je sais pas, franchement je sais pas si moi je dirais que c'est quand même les jeux. Il y a quand même du Demon's Souls en face, il y a quand même du Ratchet encore, et Clank, il y a encore quand même une marque qui est forte, ou des gens qui ont 116 millions de joueurs qui ont déjà une PS4 et qui ont déjà des jeux, ouais, PS4, ils vont forcément... N'oublie pas, je te parle de l'argumentaire. Hein. Je te parle de l'argumentaire. Ouais. Qu'est-ce qui... parce qu'au final, qu'est-ce qu'on reproche à PlayStation aujourd'hui, c'est plus ou moins le mensonge et... Ah, moi je le reproche de côté. Le manque de communication claire. Non mais là on parle, enfin à l'origine on parle VR et PlayStation, donc ouais. Du coup c'est pour ça que je ah ben, VR c'est pas du mensonge, moi c'est du non-dit. Ce que je t'ai dit, c'est l'absence de com, voilà. et le mensonge. Après moi sur le ray tracing, c'est pas ça qui me choque, franchement je m'en fous. Après c'est sûr que derrière, je regrette peut-être un petit peu de... Alors je comprends cette démarche de vouloir faire du cross-gen. Je regrette peut-être par contre... Oui, mais à la base, ce qu'il faut retenir juste, c'est que tu peux pas déclarer « Ouais, nous, la console, c'est transition générationnelle et basta. » Et ensuite, 6 mois après, dire « Bon, ben finalement, la rétrocompatibilité... » Parce que, attention, aujourd'hui, il a dit que ça allait peut-être durer jusqu'à 3 ans, ouais, la rétrocompatibilité. Il y a un changement. Il est encore revenu sur voilà, ce qu'il a dit. Ça, par contre... Donc, il y a eu gros changement là-dessus. Et pareil, quand il te dit qu'il n'y aura pas de saut générationnel d'un nouveau casque VR, ça va un peu à l'encontre de ce qu'il dit, dans le sens où, il ne va pas profiter pleinement du potentiel du PSVR actuel sur la future génération de consoles, là où il disait à l'époque qu'il voulait que quand tu achètes quelque chose, ça soit pérenne. Ouais. Tu vois ? Bah, ça va pas non plus dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, il est revenu là-dessus en disant que finalement le cross-gen, ça allait peut-être durer une année de plus, quoi. Donc Ok, ils font ces choix-là, pas de problème. Mais il y a un moment où il faut nous expliquer pourquoi on nous dit ça un jour après le lancement de la console aux États-Unis et au Japon. Pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? Pourquoi, quand on nous a annoncé la compatibilité du PSVR avec la PlayStation 5, on ne nous a pas parlé de rétro-compatibilité, puisqu'à la base, c'était juste compatible? Et surtout, pourquoi toutes ces infos arrivent après le lancement de la console ou après les précommandes? Oui, c'est pas honnête, y a ça aussi. Ça, c'est parce que moi, je suis particulièrement amer, c'est que j'y croyais. Pourquoi? Parce que c'est logique. Ça me paraît tellement simple. Enfin, comme je l'ai toujours dit, le PSVR, c'est un écran. Au final, c'est ni plus ni moins que ça. Et après, sauf si tu enlèves toute la partie tracking et tout ça, mais ça reste ça. Donc, pour moi, c'est inconcevable de pas proposer des jeux qui soient améliorés sur PS5. Et les déclarations qui sont faites après ça, moi, ma console, je l'avais précommandée. Hein, donc, parce que j'y croyais, parce que j'en voulais une. Et voilà. J'en voulais pas une que pour la VR, mais ça fait partie des arguments. Et je me dis que s'il y a des mecs qui l'ont pris que pour la VR, ça craint, parce que ils font quoi maintenant? Et où tu te sens pris en considération et où tu te sens soutenu dans ton investissement, dans ta passion pour la VR, dans le soutien que tu as pu apporter au casque, comment dire, verbalement ou autre, si tu veux, enfin, ou juste parce que tu aimes la VR sur PlayStation, mais et même dans le budget. Encore une fois, ils ont bien dit, et là ils en sont conscients puisqu'ils l'ont déclaré, ils veulent pas sortir. De toute façon, ils voulaient pas sortir de PSVR 2 en même temps que la PS5 parce que c'était hors budget. Personne pouvait payer les deux en même temps. Ça on le savait depuis longtemps. On est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, si tu prends vraiment en considération le budget des gens, t'en as qui se saignent pour s'acheter une PS5, et tu leur fais des jeux qui vont être compatibles et bien plus beaux sur leur PSVR. Tu vois, si tu veux aller jusqu'au bout. Majo One Point. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est pour ça que voilà que je râle. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, pas beaucoup, non, j'exagère, je dis de la merde. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que j'étais con de faire le hashtag NoPS5, NoPSVR, NoVR, NoPS5. Putain, c'est quand je disais qu'il y en avait un qui l'avait martelé, c'est moi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je me suis fait traiter de fou en disant que j'étais ridicule et tout ça, mais je m'en fous. Au final, je suis pas content. Donc. Twitter, ça reste un truc qui te permet de t'exprimer, et puis c'est là où se passe toute la communication de tout le monde. Donc je me dis que si ça fait un peu de bordel, ou si les gens en parlent, même si c'est pour me dire qu'au final je dis de la merde ou quoi que ce soit, les gens ils en parlent. Et peut-être qu'à un moment, il y en aura un autre qui sera d'accord avec moi, puis un autre, puis un autre, et puis que d'autres gens qui sont d'accord avec cette idée-là entreront en contact, et puis que il y aura quelqu'un qui sera... touché et informé du truc, et puis qui enquêtera sur le sujet, et puis peut-être il y aura des décisions qui seront prises ou pas, on n'en sait rien. Mais au moins j'aurais tenté quelque chose, tu vois, et j'aurais exprimé mon mécontentement sur ce sujet-là, parce que c'est ça que ça veut dire au final, c'est que on se sent mis un peu sur la touche, quoi, avec toutes ces déclarations. Tu fais confiance, et puis au final pourquoi t'as fait confiance, tu sais pas trop, quoi. Voilà. En tout cas, tu sais pourquoi tu ne feras plus confiance après. Mais j'aimerais bien entendre un petit peu Cyril sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur ce qu'on vient de dire. Non, mais bon, je vous écoute et je suis effaré, en fait. Parce que plus ça va, plus ça conforte ce que je pense. Voilà, tout à l'heure, je vous ai lâché. Non, du tout. La petite phrase, il y a des gens qui sont payés pour ça. Et on se demande où ils sont, si c'est voulu. Alors, en fait, on ne sait plus quoi penser. On râle contre PlayStation parce que ce qu'ils font, ça ne nous plaît pas. Mais au final... Bon, on ne sait même pas ce qu'ils font, et je ne suis même pas sûr qu'ils sachent ce qu'ils font eux-mêmes. Quoi. Ouais. Là, ce Jim Ryan, là, pour le nommer, pour moi, c'est le Ziad Takedine de l'affaire Sarkozy, qui, 7 ans après, fait volte-face. Le mec, il dit blanc, noir le lendemain, il n'arrête pas de changer de fusil d'épaule. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre, ça. Vert aussi, on peut dire. Ouais. Et on ne peut pas... poser, être serein avec un personnage comme ça, là, j'en ai rien à branler de le charger, parce que il est pas le seul, hein, parce qu'il y en a d'autres à des étages inférieurs de la maison PlayStation qui sont pas clairs, mais on peut pas construire quelque chose sur la durée avec une telle communication. Moi, c'est catastrophique que ceux qui en a rien à branler de la VR, ça les regarde, et leur décision. Ok, mais ils sont pris, ça a été dit par Laurent, je crois, ou toi, Majo, ils sont pris pour des cons, de toute façon, même s'ils font que du jeu en plat. Pour moi, l'image de PlayStation, elle est ternie, elle est salie. Je sais pas, bon, il y en a qui feront fi de tout ça et qui oublieront très vite, perso, moi, je vais pas oublier, hein, c'est clair. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est des gens qui s'adressent justement à la majorité des joueurs, et c'est pas forcément des joueurs ultra assidus ou qui vont vraiment chercher l'information ou qui cherchent une expérience particulière comme le PSVR. C'est vraiment des jeux qui vont acheter leur Call of, qui veulent avoir leur jeu c'est une majorité. Le plus beau possible, le plus fluide possible, la grosse majorité, les grosses licences qui vendent bien et qui vont pas essayer d'avoir un recul critique sur ce que, on va dire, des responsables de certaines firmes, d'un côté comme de l'autre, vont leur dire, en fait, ils vont prendre ça pour argent comptant, certains vont devenir des bons soldats et puis aller avec la fleur au fusil dans les forums pour casser la bouche de celui qui est en face, et ils vont pas aller chercher plus loin, tandis que quand tu commences un petit peu à t'y intéresser, justement, tu commences à voir un petit peu les ficelles, et c'est là que tu commences à te dire qu'effectivement, comme tu disais, Cyril, à l'instant, la marque, la parole en tout cas de la marque est un petit peu sale, quoi, est un petit peu salie. Et a plus vraiment de poids. Ce qu'on reprochait à Xbox via Phil Spencer chez Microsoft, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Jim Ryan. Ah, moi, Phil Spencer, Jim Ryan, d'accord, même combat. On ne sait pas quoi penser là. Bon, pas de PSVR, PSVR 2, le coup de la cross-gène, et il nous prend vraiment pour des gros débiles. Je fais une parenthèse sur la cross-gène. Je vous rappelle quand même les mots de Jim Ryan. Donc c'était quand c'était il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de septembre, je crois, ou au juillet, août, je ne sais plus. Donc il avait dit: nous avons toujours dit que nous croyons aux générations. Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console nouvelle génération, elle devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne dispose pas. Et ça, selon nous, les gens doivent créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Donc ça, c'était le discours, on va dire, juillet-août. Et puis, au même moment, quand Jim Ryan a annoncé ça, ben, y a Phil Spencer qui a contre-attaqué, qui lui a dit, tout l'inverse, en disant: vous ne serez pas contraint de rejoindre immédiatement la nouvelle génération. Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C'est pour cette raison que tous les jeux de ces derniers qui sortiront dans les 2 années à venir, comme Halo Infinite, seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One. Donc en fait, on a vraiment deux concurrents qui se font front sur une idée opposée, et on a Sony qui lâche son idée de départ pour venir se calquer sur le même modèle économique que celui de Microsoft. Ouais, mais bon, ils nous prennent pour des cons, parce que bon, la cross-gène, on va pas dire. Je vais être très pragmatique, d'accord. Je sors ma console fin novembre 2020 avec des jeux, comment dire, nouvelle génération, on est d'accord. Mais le 19 novembre, vous pensez, enfin, un peu plus tôt pour les Américains et les autres, quoi, puisque nous, on est toujours à la rue, vous pensez qu'il va y avoir un volume de combien de consoles sur le marché, quoi? Oh, pas des masses. Pour un con, c'est vraiment flagrant, quoi. Et maintenant, ils nous balancent que ça va durer 3 ans, la PS4. Mais oui, ils te sortent la carte Covid, là. Non, mais la carte Covid, là c'est aussi, je sors mon Joker, la carte Covid. Et c'est la carte Covid. Avec la carte Covid et effacer 3 ans de jusqu'en 2023 ou 24, il a dit, là, bah, c'est ça pour la PS4. Pour les jeux cross-gen. Mais il a dit 3 ans de plus, ouais. La PS4. Je te rejoins, Majo, c'est du mensonge. C'est comme ça, c'est ils disent ce qu'on a envie d'entendre le moment donné. C'est, c'est de la real politique. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Enfin, moi, non, mais c'est moche, quoi. C'est sûr. C'est moche, c'est dégueulasse, c'est nul, quoi. Après, bon, il y en a, ils s'en fichent, ils ont peut-être raison, parce qu'au final... Ils ont peut-être raison, bien sûr. On fait du mauvais sang pour rien, quoi. Parce que nous, on est à fond dedans, forcément, vu qu'on est un site d'information, on subit un petit peu l'information, et on est obligé de décortiquer. T'es obligé de décortiquer un petit peu. Tu reprends le coup de Resident Evil 8, c'est clair depuis le début qu'il est que pour PS5, enfin, console nouvelle génération, on va dire. Et là, l'autre, en un claquement de doigts, il le voudrait en PS4, mais on ne sait pas ça. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. On ne sait pas ça. Hein. À mon avis, ça s'est passé... parce qu'au départ, je pense qu'ils sont partis, Sony, dans l'idée de faire vraiment des nouveaux jeux en exclu sur PS5 pour lancer la console, d'où le discours de Jim Ryan en juillet. Et au moment où ils ont changé leur fusil d'épaule pour proposer du cross-gen sur 2 ou 3 ans, c'est là que les mecs de chez Capcom, ils sont partis en panique en se disant: mais mince, comment on va faire, nous, parce que notre jeu, il dépend du SSD. Un claquement de doigts, ils ont décidé. Enfin, donc, en Olio, on a décidé que finalement, on veut que le jeu il soit PS4, mais ils voilà. réfléchissent les mecs un mais peu. Mais je pense que je pense que c'est le problème fou. Peut être lié aussi. On disait carte Covid tout à l'heure, mais et qui officiellement peut dire c'est quand la deuxième vague de PS5 et qu'est-ce que ce sera surtout donc, la deuxième vague que, je pense que personne le sait. Et ah, mais ça, il en a parlé, le fameux Jim Ryan, là, qu'il y aurait, attends, si mes souvenirs sont bons, pour la sortie de la console, enfin fin d'année surtout, il y aurait autant de consoles que pour la plus de consoles disponibles que pour la PS4 à son lancement. Oui, mais bon. À la même période. Plus, oui, non, mais bon, c'est encore du vent. Encore une fois, si c'est en as 10 c'est de plus vent, ou un oui, million de plus, raison, c'est pas la même chose, tu vois. Mais non, mais par contre, je pense, vraie question et vrai problème. Est-ce que ce serait pas qu'ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir des gros problèmes de prod et d'approvisionnement de PS5, que la dispersion de la PS5 du coup sur le parc va être beaucoup plus lente que prévu, même s'il y a un gros démarrage, et qu'en fait, bah, pour que ça soit rentable, il faut qu'ils sortent des jeux aussi sur la PS4 pour continuer mais, à gagner de l'argent via les mais tout via, à fait. Via l'enjeu, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est il y a des gens qui sont payés pour penser tout ça. Et on ne peut pas à chaque fois se recouvrir, se recacher derrière la carte Covid, il faut arrêter. Ou c'est peut-être tout simplement que ils avaient un petit peu les chevilles qui ont enflé, un peu beaucoup, le teston qui a bien gonflé, et possible pensaient aussi qu'ils allaient vendre aussi facilement leur PS5 que leur PS4. Sauf que le concurrent en face, il a quelque chose à proposer et une politique ouais. différente. Voilà. C'est ça. C'est pas Xbox One d'il y a 7 ans ou 8 ans. Hein. C'est ça qu'ils sont vachement revenus en force. T'as pas de jeu. Ah, excusez-moi les gars, mais là, d'un côté comme de l'autre. Elles sont où les côté... Mais ouais. Dis pas ça. Elles sont où les exclus Xbox? Moi, je suis comme Majo. Elles sont où les exclus Xbox? La seule qui avait, c'est Halo. Et en plus, Spencer, il a déclaré il y a pas longtemps que finalement pour lui, que Halo sorte pas Day One, c'était pas un problème. Parce qu'il y avait le reste du catalogue. Oui, mais t'as autre chose. Tu peux pas vendre une console next gen là-dessus. T'as pas grand-chose. Mais au final, Sony, ils n'arrivent pas à vendre leur console sur ça non plus, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Sauf qu'en fait, tu rigoles ou quoi? Attends, je rigole pas, non. Ah non, les gars, déjà ils t'offrent un jeu. Non, attendez, déjà ils t'offrent un jeu gratos qui fait la part belle à la manette, manette qui a été mise en avant avec tous les nouveaux contrôleurs et tout. Super. Une trahison. Le jeu, ouais, bon. Pardon Nico, hein, mais putain, je l'ai en travers. Mais bon, voilà, il te file un jeu gratos. 5-6 heures, bon, il est inclus dans la console, tu peux profiter des retours haptiques. Tu as donc cette nouvelle manette, quand même chez PlayStation, où t'es censé avoir de nouvelles sensations. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Enfin, on l'a pas eu en main, tout le monde dit que c'est génial, plus ou moins bien exploité selon les jeux, mais. Tu sens le sable sous tes doigts. Les influenceurs, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal. Il n'y a pas que. Mais t'as Demon's Soul. Rien que lui déjà. Au final, même si c'est un remake, c'est le jeu le plus next-gen de next-gen. Qui peut faire. Parce que bon, la PS3, elle a quel âge? 2006, elle a bientôt 15 ans. Il y a 15 ans, t'as des gamins qui avaient peut-être 5 ans qui n'ont jamais fait Demon's Soul. Qui peuvent aujourd'hui découvrir le jeu. Et puis le truc, il est sublimé. Donc, le coup de vieux. Ça reste une exclue. ça reste une exclue. C'est quand même important. Mais j'en conviens, Badjo, mais en face, t'as un concurrent qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Rien, t'as rien en face. Non, t'as rien. En face, vous avez un concurrent avec une politique différente, avec une offre différente. Parce qu'il n'a pas d'exclus à sortir en temps et en heure. Ils ont les Game Pass, ils ont une politique. Mais les gars, faudra qu'on parle les ventes au départ, quoi. C'est pas vous là bon, vous aimez vos exclus, vous aimez tout ça, mais vous avez le joueur lambda, des exclus, il en a peut-être rien à faire aussi. Ben oui, mais dans ces cas-là, il achète pas une nouvelle console, tu vois ce que je veux dire? À quoi elle va lui servir? Mais pourquoi pas, s'il a envie d'acheter une nouvelle console? Pourquoi il faut à tout prix que tout colle avec votre pensée systématiquement? Mais c'est pas ça. Mais attends. Non, Cyril, quand on te vend quelque chose, un nouveau produit, il faut qu'il y ait un intérêt à ce que tu l'achètes. Sinon, ça s'appelle de la surconsommation. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est ce que je te dis. Il y a une politique. Et on a reproché. Non, attends. Cyril, je te rejoins pas. C'est ça toi, leur le premier. Mais toi, le premier, tu chiais sur la PS4 Pro en disant que c'était de la pigeonnerie, que ça servait à rien. Mais là, je suis désolé. Hein, la Xbox Series X, si elle fait que de la rétrocompatibilité à son lancement, c'est un upgrade de la One X. C'est pas une console next-gen, si t'as pas de jeu qui profite de cette next-gen au départ. Donc c'est autant de la pigeonnerie qu'une PS4 Pro. Tu as une offre commerciale qui est différente en face. C'est ça que je veux te dire. Je te parle pas des jeux en eux-mêmes, t'as une offre qui est différente. T'as quelque chose en face. Cette fois-ci, t'as un concurrent. Ouais, mais dans ces cas-là, ils vendent que du Game Pass. Ils n'ont pas l'intérêt de sortir une nouvelle console. Non, et puis ils vendent que du Game Pass. Ils ont vendu du Game Pass pendant des mois. Alors, oui, c'est toutes ces dernières semaines, c'est du Game Pass. Oui, mais je veux dire, le Game Pass, tu peux très bien l'avoir sur une One X. T'as pas besoin d'avoir une série X. Voilà. Pour, donc ça. Tu restes. Les One X, elles sont plus produites, les One X. Sauf que vous avez une famille de consoles qui. Parce qu'il y en a deux. Avec une politique commerciale. Et vous avez un concurrent structuré en face. C'est ça que je veux dire, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, j'en ai rien à faire de ça. Ce que je veux dire, c'est que Sony, qui ont survolé le marché pendant X années, mais ils ont dû refaire encore une fois le même coup qu'avec la PS2. Alors là, j'extrapole, hein. La PS2, ils sont arrivés en fanfare avec la PS3. Et là, pour moi, c'est, bon, la next-gen, que ce soit Xbox ou PlayStation, elle est en train de mal naître parce qu'il y a, ok, la carte Covid... Mais on sent bien qu'en face, ils ont un répondant. Il y a une com, il y a quelque chose, et il y a... voilà. Ils sont beaucoup plus agressifs. Hein. Et du coup, bah, c'est volte-face. Je jongle, je suis sur un pied. Alors, on sait pas quoi penser. Bah, je dis par pas que l'autre 2000... est mieux en face. Hein. Il faut... Et par rapport à 2014, il y a aussi une grosse différence. C'est qu'en 2014, Xbox, ils sont vraiment passés pour des cons. Mais ils sont vraiment passés pour des cons à cause vraiment, surtout d'une communication lamentable. Et que là, c'est, pour cette dernière génération, c'est absolument pas le cas. Et c'est aussi grâce à ça, et avec, ça, faut avec Greg, je sais pas. Que Sony. Non mais les gars, vous avez tout oublié, ouais, c'est pas possible. Ouais, je pense... Non, trop pas. Vous avez pas okay, suivi. Elle avait un petit défi. Elle avait un petit déficit de puissance, ok, mais qui était quasiment nul par rapport à la PS4. Et c'est surtout un gros problème de communication qu'ils ont eu au départ. Ils l'ont mal vendu, leur console. Ils ont tout mis sur le multimédia. Ils ont pas misé sur les jeux. Ils ont essayé de mélanger les genres complètement. Ils ont eu des sorties comme les échanges, enfin la console qui devait être connectée tout le temps, et que si t'étais pas content, tu avais qu'à garder ta Xbox 360. Ça fait mal. Ils avaient aussi le problème des échanges de jeux, sur lesquels Sony a juste eu à monter des marches comme ça, avec des bouts de, avec des morceaux d'Xbox en fait, des morceaux de membres d'Xbox qu'ils avaient perdus. Ils avaient juste à monter les marches, et c'est pour ça aussi également. Que Sony a gagné cette génération. Là, en 2020, c'est pas la même. Tout s'est joué, Xbox, tout s'est joué à l'E3 en 2013, hein, ça c'est sûr. Mais la communication d'Xbox était tellement catastrophique qu'il pouvait que se planter. D'ailleurs celui qui avait dit que ceux qui pouvaient pas avoir une One, ils avaient qu'à rester, il s'est fait virer. Oui. Les seuls bons points pour moi d'Xbox, c'est le reveal de la console au Game Awards. Et je crois que c'était l'E3 2019 où ils avaient annoncé le rachat de 15 studios. Voilà. Ça, c'est les deux moments forts avant la next-gen de et ça Xbox aussi. En termes de com. Et ça aussi. Et depuis, pour moi, il n'y a plus rien. Oui, mais ça aussi, c'est un argument de poids. C'est-à-dire que tous les studios qui sont en train d'acheter, justement, ça veut dire qu'ils vont en faire quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on pas espère. Forcé. Mais après, l'expérience et l'histoire a prouvé que non, exactement. Rare, paix à ton âme. Hein. Malheureusement, et justement, mais en tout cas, dans l'esprit des gens aussi, pareil, c'est le rêve d'un avenir meilleur, tu vois, c'est sur Xbox, et rien que ça a son poids, mine de rien. Il y a un gros rouleau compresseur de com. Ah oui, vous pouvez pas dire non, les gars. Il y a un rouleau compresseur qui est pas si efficace que ça, parce que de toute façon, la marque PS5, ils ont quand même eu en précommande en 12 jours autant de précommandes que de PS4 en 12 mois. Donc, est-ce qu'on a eu les chiffres? Oui, on a eu ça. Oui, ils ont balancé ça en tout cas. Alors bon, après, vous allez peut-être dire que Jim Ryan ment. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a balancé. C'est pas étonnant. Ce qu'on voit surtout, c'est que là, on est le 12, la console est sortie mondialement, et en Europe, elle arrive le 19. Il n'y a pas de stock, alors que sur Xbox, il y a du stock. Ensuite, il y a un autre truc, c'est encore une non, fois... Non, mais il n'y a pas de stock sur Xbox non plus. Je comprends bien que maintenant, sur Xbox, l'objectif, c'est de vendre du Game Pass. Et qui finalement, ils s'en foutent pas mal de leur console. Je me dis, du Game Pass, ils peuvent de toute façon en vendre autant sur One que sur One X, que sur Xbox Series S, que sur Xbox Series X. Et sur PC. Donc c'est sûr que le Game Pass va décoller, parce qu'en plus il y a le PC. Le marché PC, c'est quand même un marché qui est pas négligeable. Donc, c'est le seul avantage des consoles next-gen, c'est qu'ils passent dans le Game Pass, ils passent toujours avant le PC. Ouais. Enfin, même, non, enfin, au final, même pas, puisque c'est les consoles tout court qui passent avant le PC. Parce que tu vois, le EA Play qui doit être inclus dans le Game Pass, il l'est à partir du mois de novembre pour les consoles et c'est décembre pour le PC. Donc, tu vois, t'as un mois de décalage. C'est le seul avantage que tu vas avoir sur console. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est que je me mets à la place d'un joueur lambda, donc casual, qui ne suit pas l'actualité, qui ne regarde pas toutes ces choses-là, qui se dit, tiens, pour Noël, ben, j'aimerais bien avoir une nouvelle console. Et ben, finalement, il va peut-être prendre une série X parce qu'il n'y aura pas de PS5 en stock. Ou alors, il va se dire, s'il regarde un peu, il va se dire, bon, ben, j'ai quoi comme jeu ? C'est pas Halo Infinite qui va vendre une série X. Pour moi, une série X, il fallait qu'il y ait un Forza et un Halo qui déboîtent la mâchoire d'entrée. Au moins deux jeux, c'est pas grand chose, deux jeux. Ah bah Craig, il s'est fait défoncer la mâchoire. Faut pas être méchant, mais Halo sur une série X, ça te fait rigoler, quoi. Tu te dis, mais c'est une blague. C'est une blague. Ouais, parce que là, on touche encore un autre problème. La cross-gen, ça tire vers le bas. De toute façon, il faut que ça tourne sur toutes les Xbox. Alors, je suis d'accord. On aura la même chose sur PS5. Il y aura des petits jeux qui auront des graphismes de PS4 sur PS5. Ça arrivera. Mais là, on parle de Halo. C'est pas un petit jeu. Halo, c'est un truc qui doit déboîter. Il faut que ça déboîte. Il faut que Forza casse tout. On est obligé. Forza, il faut qu'il casse tout. Là, on n'a rien vu. Forza, on sait qu'il n'est pas prêt. Et puis Halo, qui devait être quand même, parce que quand même, j'ai jamais vu moi une chaîne officielle qui se prend plus du double de pouces bas que de pouces hauts à l'annonce de Halo Infinite. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire, quoi ? Non, ça c'était vraiment une sortie de piste clarinette. Moi, j'ai juste une petite question. Excuse-moi. Qu'est-ce qui peut causer donc ce volte-face? Ce cloche-pied permanent de la politique de Sony et de Jimmy là, parce que ils savent y pas où Philou, ils vont. Mais il y a Jimmy quoi, c'est exactement pareil quoi, c'est destructeur là, ce mec il est destructeur quoi. Bah comme Phil Spencer hein. Les deux sont destructeurs. Oui mais c'est pour bon ça je dis, il y a Philou, il y a Jimmy, c'est la même personnalité. Il est destructeur là, c'est alors que allez on va dire Philou il essaie de gravir comme il peut. Et l'autre, il est sur un pied d'estal. Oh, bichette. Depuis le temps qu'il nous raconte des conneries sur la VR depuis 2014. Ce qui est marrant, c'est que. Là, mais justement, s'il raconte des conneries, c'est pour essayer de gravir, c'est ça que je veux dire. Mais l'autre qui même sort dans un leur pied d'estal. Même là, dans leur déclaration. Comment même dans leur déclaration, ils sont similaires dans la manière de déclarer, parce que l'histoire des consoles où on a vendu autant de précommandes de PS5 que en 12 mois de PS4. Spencer, il commente la même chose sur les ventes de Series X. Il te dit qu'aujourd'hui c'est le meilleur lancement Xbox par rapport aux générations précédentes, tu vois. Franchement, c'est les mêmes. De toute façon, même s'il donne un chiffre, il le démentira une semaine après. Donc. J'ai l'impression avec Jim Ryan, Sony a perdu un petit peu son charme japonais, on va dire déjà. Je pense qu'au niveau des décisions et puis de la communication marketing, maintenant c'est plus du tout le Japon qui gère, c'est centralisé aux États-Unis. Et ça fait vraiment peur pour la suite parce que du coup, c'est une philosophie de com et même une philosophie d'entreprise, comme tu as bien en parlé, Laurent, ouais. qui a complètement changé, C'est justement ça, c'est que Jim Ryan, c'est pas forcément le mec joueur, c'est un industriel, c'est un homme d'affaires. Financier. Et lui, c'est un communicant. Il voit qu'il y a une branche qui va gagner plein de blé, bah, il va couper d'autres branches. Sans se dire que peut-être que... Alors, c'est pour ça que le PSVR peut rester dans une voie de garage pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et puis un jour se dire, ah bah tiens, si on réessayait maintenant. Puis ils vont réessayer, mais ils auront laissé mourir ce qui a été construit. Et c'est là où... Voilà, Jim Ryan, c'est un bon rival face à Phil Spencer, parce que c'est vraiment des... Ils ont beau essayer de faire passer l'image avec toutes leurs dents et tout leur joli sourire en disant « Ouais, je suis un joueur, j'ai trois consoles à la maison, c'est des mecs qui n'ont même pas le temps de jouer, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons déjà. » Et puis, c'est pas des joueurs, c'est des mecs qui sont là pour brasser des milliards, pour faire des investissements, pour rapporter du fric, et puis pour envoyer des pics sur le concurrent de temps en temps, et puis également pour faire du profit, c'est ça quoi. Donc c'est sûr que c'est pas forcément d'eux que l'industrie du jeu vidéo est en train de sortir, parce qu'elle a tellement progressé. C'est quand même, rien qu'en France, c'est un marché qui est à 4,8 milliards d'euros, juste en France. Et chaque année, ça monte, ça monte. Alors cette année, elle sera un peu moins bonne parce qu'il y a le Covid. Bon, elle va peut-être. Et encore. Non, elle le sera tout. Non. Elle a perdu. Peut-être que ça va baisser. Elle a perdu 0,1 milliard. Ouais. Ouais, mais l'année n'est pas finie. Non, mais si, il y a eu. Et c'est 2019. L'année 2019 par rapport à l'année 2018 a baissé un peu. Oui, mais c'est ce que je te dis, avec le Covid, ça a dû éclater. Sur les stores, tout ce qui est dématérialisé, les gens, il a fallu qu'ils s'occupent. Hein, donc, Ça, on le saura. Marché total, moins 2,7% par rapport à 2018, en France. Hein. Oui, en tous les cas, 2019. Moi, ça me fait mal pour PlayStation. Quoi. Ouais, moi aussi. Ça hein. me gonfle. Moi, à la limite, c'est ça qui me fait réagir, quoi. C'est qui me fait être mordant, parce que c'est. Tu sais, est-ce que aussi, parce que bon, nous, comme on disait tout à l'heure, on est piqué, on est fan, on est passionné, donc forcément. Je réagis en tant que vieux con qui joue au jeu. Est-ce que quand tu regardes les tops de vente de jeux et que tu vois les trois plateformes dans le top 5, FIFA 21 sur trois plateformes différentes, à trois positions différentes, est-ce que ça te donne envie de développer, d'être créatif? Et ça, c'est un autre souci. Est-ce que tu dis c'est vers là que tu vas aller pour gagner avec le Game Pass, ça? Oui, non, mais ça d'accord. Mais là, je te parle, on parle de PlayStation, quoi, de la communication, voilà. La communication. Ouais, mais ça va avec. Si tu veux, c'est qu'au final, comme tu disais tout à l'heure, t'es pas obligé de mentir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu disais tout à l'heure, c'est de la politique paractionnelle journalière, ou périodique. Le mec, il va dire ce que les gens, ils ont envie d'entendre au moment où ils ont envie d'entendre. Parce que c'est ce que les gens veulent, et parce que c'est la masse qui vend, qui fait vendre, et que c'est comme ça. Ouais. Oh, c'est bien triste, hein, tout ça. Mais c'est la dure réalité du marché. Hein, c'est vrai. Non, mais c'est là, vrai, c'est logique. Je le dis en brandissant le poing pour que ceux qui nous écoutent imaginent la scène. Et pour moi, hashtag NoVR, hashtag NoPS5. Voilà. Bah justement, moi j'ai une question pour vous là, les gars, pour conclure un petit peu ce podcast. Vous êtes des joueurs VR, vous adorez ça. On joue un petit peu en plat aussi, ça ne nous empêche pas, mais n'empêche, ce qui nous a donné envie de continuer de faire le site d'ailleurs, et de continuer à nous investir dedans et à jouer aux jeux vidéo en fin de compte, c'est l'apport de la réalité virtuelle. Vous êtes des joueurs VR, qu'est-ce que vous allez faire dans l'année à venir? Majo, par exemple. Ah, ben moi, c'est mon portefeuille qui me le dira. Hein. J'ai lâché 500 boules dans une PS5, donc si je veux de la VR, ce sera sur PS4 ou sur PS5. J'irai pas ailleurs, je pourrais pas. D'accord. C'est pour ça que tu disais que je me sens un peu floué et amer de cette situation. Quoi. Parce c'est que ça. Si j'avais su ça, j'upgrade mon PC, j'achète un Quest en Link, et puis pour le prix d'une PS5, je pouvais jouer sur PC VR. Quoi. Mais c'est pas ce qui s'est passé, si tu veux. Donc c'est pour ça que je suis amer là-dessus. Un peu, ouais, un peu. Donc je vais garder ma PS5 parce que je l'ai commandée et qu'elle sera là, et puis je vais jouer à des jeux plats et des jeux VR. Hmm. D'accord. Et toi, voilà. Cyril, t'en es où? Bah écoute, j'ai une PS4 Pro, mais qui va faire au moins pendant 3 ans, puisque... Il y aura des jeux classiques pendant 3 ans sur la PS4, donc je vais continuer sur ça. Ouais. Rien qui te pousse à investir justement, soit dans la next-gen, soit dans autre chose, quoi. Bah, j'ai déjà basculé sur le Quest 2, donc peut-être que je passerai sur PC également, pour profiter encore plus de la VR, mais je suis un joueur console, hein, je vais rester avec ma PS4 Pro, quoi. Là, en tous les cas, je ne vais pas acheter une PS5. Il n'y a rien qui te pousse justement à investir dans une nouvelle console. De toute façon, tu ne peux pas, il n'y en a pas. En plus. Non, mais même si je veux jouer en plat, quoi, je vais pas faire la bascule. Je me tiens à ce que j'ai dit juste avant. Voilà, j'ai une PS4 Pro qui est performante. Il y a le PlayStation Now. Enfin, je vais m'adapter, je vais faire comme ce que tout le monde demande. Quoi. Tu vois, je vais vivre avec le flux de l'industrie. Quoi. D'accord. Et toi, Laurent? Pour l'instant, je vais attendre parce que je veux voir un petit peu comment tout ça, ça vire. Comment ça bouge. Pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui peut-être bien négatives ou qui se contredisent. Ouais. On n'a pas parlé des deux ingénieurs qui ont parlé il n'y a pas très longtemps japonais qui ont parlé de justement de la PS5 qui lui parlait plus dans le sens j'espère. Qu'il y aura une offre VR spécialement pour la PS5. Ouais, mais encore une fois. J'espère, j'aimerais bien oui, le voir arriver. C'est oui ou c'est non, quoi. Merde. C'est ça qui est... On croit en cette génération. C'est ça qui est destructeur. Mais peut-être que, ou alors peut-être pas. On va continuer, on va vous donner des trucs. C'est ce point-là qui est incompréhensible, en fait. C'est même pas. Moi, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pas le problème qu'il y ait un PSVR 2, c'est pas le problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas de communication juste pour ouvrir. Ce qu'on disait sur les autres podcasts, c'est que la PS5, on lui a alloué tous les trucs. On lui a dit, elle fera de la 8K en sortie vidéo, ce qui est possible avec de l'HDMI 2.1. Elle fera du 120 FPS, elle fera de la 4K, elle aura un son audio super, elle aura des fonctions haptiques sur sa manette. Il y a un listing sur la boîte, mais à aucun moment sur la boîte, il y a une mention de réalité virtuelle. Ce qui veut dire, quelque part, déjà là, on pouvait déjà se poser de sérieuses questions en se disant pourquoi ils n'ont pas mentionné ça. Parce qu'en plus, il y avait plusieurs analystes financiers qui disaient que la VR serait un argument de vente pour la PS5. Et même si on est une minorité, mais il y a un truc que Sony n'a peut-être millions. Pas. C'est vrai que le PSVR, ça a été plus une expérience. Ils ont lancé ça sans savoir vraiment où ils allaient aller. Ça a fait ces petits 5 millions de ventes, ce qui est correct pour une technologie naissante. Et puis, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont, dès le départ, craché sur la VR. Pas forcément des joueurs, même des influenceurs qui ont dit ça fait gerber, qui ont rigolé de ça. Il y a eu toute cette idée de VR qui fait gerber, qui est rentrée dans le crâne des gens. Et puis petit à petit, avec les années, petit à petit, on s'apercevait que sur les réseaux sociaux, les gens qui étaient complètement fermés sur la VR, ils se disaient pourquoi pas. Et puis après, moi ce qui m'a surtout choqué, c'est même 2019-2020, où tu sentais qu'il y avait des gens qui venaient, qui disait je viens sur votre site mais j'ai pas de casque mais je pense que je m'en prendrai un mais pour l'instant le problème c'est que la PS4 tout le monde dit que c'est pas net, c'est flou et compagnie, donc j'attends la PS5. Donc il y a tout un tas de joueurs qui ont acheté une PS5 et qui se disent qu'ils sont potentiellement de nouveaux joueurs VR si la PS5 le permettait. Et c'est ce que je disais tout le temps, c'est avant on avait un casque qui était pas dégueulasse, hein, parce que le PSVR faut arrêter de le prendre pour un jouet. Il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il nous offre sur PS4. Et ce casque, on avait ce casque, mais on n'avait pas la console. C'est ce qui nous a valu de jamais pouvoir jouer à Fallout 4, par exemple. Et maintenant qu'on a la console, on n'a plus le casque. C'est un peu fou. On n'a plus le VR. C'est un peu fou. C'est un peu fou. Et comme disait Majo, il ne s'est même pas pris le chou. Day one, pouf, je commande la PS5, je veux ma PS5. Je vais m'éclater. Parce que ça avait l'air logique, effectivement. Et là, le truc, il est commandé. En plus, il a fallu qu'il paye des frais de port. Non, rajoute pas, s'il te plaît. Alors, pour en revenir. Pour en revenir à ta question, Sei, moi, pour l'instant, je vais attendre. Déjà, parce que c'est tellement des girouettes en ce moment à dire un coup. Ça peut encore et tout ça, que c'est possible aussi qu'ils nous balancent un Hitman 3 en janvier avec une version PS5. Ça pourrait tomber. Parce que si la console elle est ouverte à la VR, avec des jeux PS5 VR, c'est génial. Parce que là j'achète. Le dev kit de la PS5 qui n'est pas compatible avec les jeux PSVR, c'est un soft. C'est qu'une histoire de mise à jour. Finalement, s'ils ont envie de le rendre compatible, ils peuvent le faire. Donc je me dis que si ça se trouve, ils se disent pour le lancement, on parle surtout pas de VR parce qu'on s'est fait chier dessus au dernier State of Play. Donc on va la laisser de côté, celle-là, on va lancer la PS5. Et si ça se trouve, pourquoi il y a toujours ce jeu PS5 qui est présent dans les catalogues PSVR, alors que maintenant tout le monde sait que quand tu vas acheter le jeu PS5, en fait tu vas télécharger ton jeu PS4. Après avoir martelé tout ce qu'ils ont dit, 3 mois après, changer d'avis. Oh, c'est possible. Hein. Eh ben, marketing, là, interview, c'est possible par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors mais qu'un simple VR est encore sur la boîte. Disons qu'en juillet, quand Jim Ryan disait qu'il allait mettre l'accent sur des jeux exclusifs sur la PS5, qui aurait cru que maintenant on se retrouvait avec du cross-gen pour 2 ans? Donc, ça collerait avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais ça serait encore plus ridicule. Donc, enfin, je me dis, là, moi, j'en. Mais le ridicule ne tue pas. En fait, non, j'ai failli. Le jour de la précommande de la PS5, j'ai dit, je fais quoi? Je la précommande, je la précommande pas. Après, j'avais quand même. Ouais, t'étais chaud en plus. Ouais, au début, j'étais super chaud. Après, j'avais des doutes. Non mais parce que c'est vrai qu'il y a eu après ça il y a Majo qui la commande donc je dis putain il a commandé enfoiré. Non mais dans la com c'est vrai qu'on l'a oublié celui-là mais c'est quand même assez extraordinaire la date de précommande annoncée par personne. Oui. Enfin surtout pas par PlayStation. Mmh. Non annoncée par PlayStation le départ. Ouais. Et tu lis ça sur tous les différents sites et tout qui t'annoncent que ça commence ce soir à minuit sur les plateformes internet et tout. Mais attends mais ça aussi, c'est une aberration. Il y a beaucoup de choses. À la fin de leur présentation, ils te disent personne ne te dit rien et ça commence le soir même à minuit. Quoi. C'est formidable. Donc, toi, Laurent, tu es plutôt attentiste alors, du coup. Bah, je vais attendre un petit peu et puis je vais. Je vous cache pas que j'aime beaucoup Ratchet & Clank, donc ce serait peut-être un jeu qui me permet. J'aime beaucoup Astrobot Playroom, j'aimerais bien l'essayer même en plat. Je serais curieux de Demon's Souls aussi. Par contre, disons qu'à partir de maintenant, là, c'était une priorité. Alors, sans parler des problèmes d'approvisionnement, parce que même si je ne vais pas dépenser 500 balles maintenant, sachant qu'il n'y en a pas. Pour l'instant, moi, je vais attendre. Je vais voir décembre, peut-être janvier. Je vais voir comment comment tout se goupille, comment tout. Est-ce qu'il y a des surprises? Je veux voir aussi s'il y a des jeux VR qui sont annoncés ou si c'est fini, parce que ça, ça c'est la base. Hein. On aura les développeurs, il n'y a plus rien qui sort. On a encore aujourd'hui un développeur qui a annulé sa version PSVR. C'est fréquent. Des jeux. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui racontent un peu n'importe quoi, qui partent en live, parce que vu que la com est mauvaise sur le PSVR, ils disent putain, faut que je remonte le moral à mes suiveurs. Donc je vais leur dire qu'il y a plein de jeux PSVR qui arrivent. Mais Population One, faut juste dire que c'est une intention. C'est pas, ils ont même pas commencé le développement. Donc commencer à mettre à commencer à faire des articles sur Population One sur PSVR, il y a autant de chances qu'il arrive jamais qu'il arrive. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on a décidé de pas en parler. Pareil pour Blair Witch, c'est une intention. On leur a posé la question, est-ce que vous allez porter sur le PSVR Blair Witch? Oui, ce serait dans nos plans. Ça ne veut pas forcément dire oui, pourquoi pas, ouais, c'est bien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ce que je martèle tout le temps, c'est que quand on lance un jeu sur Quest ou sur PC, il faut qu'on fasse de la pub sur ce jeu. Il faut qu'un maximum de monde puisse voir cette publicité. Donc en disant oui au PSVR, ils savent qu'il y a certains journalistes qui vont partager l'information et qui vont toucher les 5 millions de joueurs PSVR. Et dès que la campagne de pub elle est passée, finalement, on ne le fait pas. Parce que comme ça, eh ben, ils savent que... Alors, non seulement il y a des joueurs PSVR dégoûtés qui vont passer sur PC, mais qui auront vu la pub parce qu'ils auront eu en passant comme ça. Et puis ils savent... Et ça, on nous a fait le coup, mais on pouvez même pas imaginer le nombre de fois. Incalculable de fois. C'est clair. Donc, et ça continue, même maintenant. Hein. Ah bah oui. Il y a encore des jeux qui sont sur le feu, là. On pourrait sortir les vidéos demain, mais on préfère être prudent quand même. Ah, des trucs comme ça, mais il y en a eu des tonnes. Je me rappelle... c'était lequel? Celui qui est sur PC, qui est très joli, là. Celui qui t'as joué, ça, il t'avait dit qu'il était très joli, mais il était un peu compliqué là, sur une planète un peu à la Avatar avec des trucs tout phosphorescents là. Hein? Oui. Hearthstone. Non plus. Non, sur PC. Hearthstone. Seeking Down. Ah, Seeking Down. Ah, putain, celui-là, il devait sortir. Celui-là, ça fait 3 ans qu'il sortir. Il nous le garantissait sur PSVR. Il disait non, mais il sera sur PSVR. On ne peut pas passer à côté du marché de PSVR. Quand le jeu est arrivé, c'était terminé. Et des jeux comme ça, on en a eu des tonnes et des tonnes. Et c'est vrai qu'au début de VR4Player, on connaissait pas ce milieu-là, nous. Donc au début, dès qu'on voyait quelque chose qui passait, on y allait. Maintenant, on est beaucoup plus prudent quand un. Je préfère maintenant demander si déjà ils ont des kits de développement, PS4 ou PS5. C'est de la com encore. C'est exactement ça. Ouais. Et autant Blair Witch que Population One, on n'en a pas parlé parce que pour l'instant, il y a juste une promesse d'intention. Maintenant, s'ils commencent à faire un petit trailer avec le logo PSVR, ça sera pas la même chose. Dans ce cas-là, on en parlera. Et c'est pareil aussi pour David et Goliath. Alors là, c'est encore un autre souci. C'est carrément de la propagande pour vendre aux jeunes des études de la Bible. Donc là aussi, c'était un peu ambigu. Donc j'ai dit bon, alors, on va peut-être pas en parler tout de suite. La VR. Voilà. Multiformat. Voilà. Non, vas-y, c'est chaud là. Et là, c'est. Mais il y en a un autre qu'on a oublié, c'est Lofi. Alors lui fait l'inverse, il rétrograde lui. Alors lui je suis encore en train de me demander à essayer de comprendre ce qui se passe, parce que lo-fi normalement, je me rappelle très bien des développeurs qui avaient mis le logo PlayStation VR et qui m'avaient rappelé derrière en disant qu'on pouvait pas publier un article parce que justement ils n'avaient pas le droit d'utiliser ce logo PlayStation VR étant donné qu'ils n'avaient pas l'équipe de développement et qu'ils n'avaient pas signé le contrat avec Sony. Donc il met le logo PS5 sur un jeu VR. Personne lui dit rien. Et si on lui a dit quelque chose, bah le logo PS5, il est toujours sur la bande-annonce sur YouTube. Il ne l'a pas enlevé. Et maintenant qu'il sait que son jeu, il ne pourra pas sortir sur PS5, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas le kit de développement et qu'il ne l'a jamais commencé, parce que sinon, il saurait qu'il ne pourrait pas faire son jeu sur PS5. Maintenant, il se dit, finalement, il va sortir en exclusivité sur PS4 Pro. Alors qu'on sait très bien que les exclusivités sur PS4 Pro, jusqu'à nouvel ordre, ça n'a jamais existé. Donc je ne vois pas pourquoi ça existerait. Et puis si ça existait, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait nous pondre Fallout 4. Donc... Ouais, mais ce pauvre homme, il confond en 4 et 5. Et on se retrouve encore, il me semble, dans une situation d'un petit développeur qui a fait un jeu et qui veut utiliser et être présent sur toutes les plateformes pour être le plus visible possible et qui te dira ce que tu as envie d'entendre. Donc, c'est compliqué. C'est dommage. Hein. Ah ouais, mais ça marche, on en parle. Voilà pourquoi moi je vais attendre. Mais pas en très bien. Je pense que de toute façon, une PS5, j'ai toujours eu toutes les PlayStation, donc j'aurai tôt ou tard une PS5. Par contre, je suis pas pressé de l'avoir parce que j'ai ma PS4 Pro qui marche très bien. Elle faisait un bruit de. Je te revendrai la mienne. Elle faisait un bruit. Voilà. Elle faisait un bruit d'avion. Ouais, tu vas me le revendre 1000 balles, toi. Escroc. Ouais, avec un bon discours commercial, bien brodé, bien brossé là. Ouais. C'est une version originale Day One. N'oublie pas que ça a une valeur. Ah ouais. Peut-être que tu signerais Majo dessus, comme ça sera collector. Voilà, en plus, il y aura ma transpiration sur la manette, dans les petits logos et symboles de la manette. Et tout ça. Il y aura des squams dans les. Je te laisserai tout. Les miasmes, le Covid, tout. Et toi, ça y est. Ouais, moi je dirais pour conclure, moi j'adore le PSVR, j'adore même la marque PlayStation. Après, j'aime beaucoup aussi, j'ai une Xbox, j'adore Nintendo. Moi j'aime tout le monde, hein, de toute façon, je vous aime tous, hein, je vous aime les gars, vous savez. Hein. tu serais pas au marketing, toi ? Non. Du tout, non, je suis trop net. Et je vous aime trop. Et du coup, en fait, j'ai adoré en fait les exclusivités sur PSVR, et ça m'a permis surtout de découvrir la VR, des expériences comme Astrobot, Resident 7, Wipeout ou Rush of Blood. Ah, génial ça. Des jeux que tu trouves que sur Robinson. Non, je l'ai pas. Ah putain, celui-là j'adore. Je vais me le refaire, Robinson. Mais tu vois. C'est des jeux que j'ai vraiment surkiffé, que j'ai adoré. Et là maintenant en fait, j'ai toujours été un petit peu joueur PC. J'ai une bonne config. Je me suis acheté le Rift S. Tous les soirs, je passe 3 heures sous le Rift S. J'arrive pas à en décrocher. Il y a tellement de jeux, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de productions, que ce soit sur Steam, sur Oculus, ou même en indé, ou même sur d'autres plateformes de jeux. Moi, je crois vraiment que je suis en train de complètement virer PC. Je continuerai à jouer sur le PSVR s'il y a des exclusivités. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être prévu, en tout cas au programme. Pas avant 2, 3 ans, ou on ne sait pas. Pour moi, la VR, personnellement, je pense que le futur va se passer sur PC. Je pense que il n'y a pas ce problème de barrière de hardware, de contrôleurs qui sont obsolètes comme les PS Move, de dalle qui est trop qui n'a pas une assez bonne résolution comme sur le PSVR, même si j'adore ce casque et je trouve surtout que la qualité des couleurs sur le PSVR dépasse complètement le Rift S. Mais il n'y a pas de barrière, c'est pas fermé justement comme la console. Et donc moi je continue à jouer PC, je continuerai à jouer PSVR pour les exclus, et voilà, je suis pas attaché à une marque ou quoi que ce soit. Je vais là où il y a des jeux. Le Quest 2 m'intéresse pas parce que pour moi c'est trop fermé, même si tu peux le brancher sur un PC. Après, il faut quand même une sacrée bonne config, comme je le disais dans un dernier podcast, pour utiliser le casque sur un PC vu la résolution du casque. Moi, le Rift S me va très très bien, je peux jouer à absolument tout ce qu'il y a sur PC, de n'importe quelle plateforme, de n'importe quelle, que ce soit Steam, que ce soit Oculus, que ce soit n'importe quoi. Et voilà, je prends mon pied comme ça, j'ai pas vraiment d'attente particulière de la part de Sony. Je suis un petit peu dégoûté de ce qui se passe, et surtout qu'on prenne les joueurs pour des cons, et le pire, c'est que ça fonctionne. Ça me fait vraiment chier. J'ai l'impression que les joueurs PSVR ont été complètement laissés sur la touche. On leur fait miroiter du oui, du non, du chaud, du froid, c'est de la merde en termes de communication. J'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout j'aime pas l'esprit en fait. Et voilà. Donc pour moi, pour le moment en tout cas, je me prends pas trop la tête parce que je suis équipé d'un bon PC, je suis équipé d'un casque sur PC et je prends mon pied tous les soirs dessus. Et ça me va très très bien pour le moment. Et sur YouPorn Sur YouPorn, non, t'as mieux que YouPorn, mais je t'expliquerai mais après l'émission. One non, point, ça y est, one point. Ouais, et voilà, moi je vais là où la VR va, que ce soit sur console. Si c'est sur console, c'est très très bien. S'il y a des bonnes exclus, j'irai vers les bonnes exclus et ça sera super. Mais tu finiras peut-être avec un drone console, alors. Et si ça va, si ça doit arriver sur PC, si ça doit finir sur PC ou continuer sur PC, je serai sur PC. Où qu'aille la VR, moi j'y serai. Tout simplement. Ah, moi, il y a un petit détail. Bravo. Il y a un petit détail que. Merci. Il y a un petit détail que merci. Je voudrais. Merci, merci. C'est justement au sujet de ces PS Move. Rappelez-vous, quand ils sont sortis sur PS3, ça fait plutôt un bide, hein, on est d'accord là-dessus. Oui, parce que c'était du motion gaming. Et puis ils sont restés, les stocks sont restés dans un entrepôt, et puis ils ont été réutilisés pour le PSVR. Et donc, si on suivait cette logique-là, on se dirait que le PSVR a encore un avenir parce qu'ils pourraient réutiliser le PSVR sur la PS5. C'est ce qu'ils ne font pas. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Tu sais quoi ? J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Peut-être que Jimmy, quand il a dit, il parle du saut, il parle peut-être d'un bond technologique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bond technologique, la nouvelle technologie de la phase 3 de la VR. C'est peut-être ça qu'il veut dire aussi, ben, Mister Jimmy. Par contre, il y a un truc qui on n'en a pas parlé encore. Ben, on ne sait pas, quoi. Ben, C'est que si on regarde les chiffres en France, on s'aperçoit que 48% des joueurs sont sur console, 15% sont sur PC et 37% sont sur téléphone mobile. Donc il y a quasiment la moitié des joueurs français de jeux vidéo, soit à peu près, on va dire, 80% des joueurs, je crois qu'il y a 70% de joueurs en France, quelque chose comme ça, qui jouent aux jeux vidéo. Et sur ces 70%, il y a quasiment la moitié qui sont sur console et 15% sur PC, 37% sur mobile. Si le PSVR est mis sous le tapis ou dans un tiroir, ce marché-là, il y a un pourcentage de ces 50% qui va partir sur le PC ou peut-être carrément laisser tomber, parce qu'il faut penser aussi qu'au niveau de la tranche d'âge, la moyenne des la moyenne des joueurs français, c'est 40 ans, c'est plus 17 ans. C'est terminé cette époque. Donc quelqu'un de 40 ans, il travaille, donc il peut avoir les moyens de se dire bon bah ils me font chier, je vais me prendre un PC. Et puis quand je serai sur PC, eh ben je vais plus revenir, quoi. Donc là ils sont quand même en train, ils ont proposé un bébé qui a été bien accueilli par ceux qui en ont. C'est ça qui est aussi fou, c'est que les gens qui ont eu le PSVR en sont contents globalement. Ceux qui en parlent en mal, c'est ceux qui ne l'ont jamais eu, en fait. Et du coup, ils vont fermer un marché qui représente en France 50% du marché de VR. Alors certes, il y a les 15% sur PC, mais sur ces 50%, il y en a qui vont acheter une PS5 et qui vont dire « bon, il n'y a plus de VR ». Pas grave, je vais jouer à d'autres jeux en plat. Et puis, il y en a une petite partie qui va dire, je vais me prendre un Quest. Et puis, il y en a une petite partie qui va dire, je vais m'acheter un PC. Et puis, une petite partie. Mais au final, tout ce qui a été construit par le PSVR jusqu'à présent va exploser. Ce marché va exploser. Et ça peut se répercuter sur le marché PC. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est que finalement, s'il n'y a plus personne qui soutient ce marché, c'est pas bon qu'il n'y ait que Facebook sur le truc. Et ça peut finir dans un tiroir. Pas. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est que le Reverb HP, il est très bien le HP Reverb, hein, mais qu'il puisse avoir, parce que c'est bien joli Microsoft par-ci, Microsoft, mais c'est un casque HP, c'est pas un casque Microsoft, c'est un casque fabriqué par HP avec une technologie Valve. Et ben maintenant Microsoft qui veulent jouer leur jeu, et ben ils ouvrent la série X et ils mettent un Reverb dessus. Et là le marché de la VR il va taper, parce que Sony ne vont pas en rester là s'ils font ça. Dans la semaine qui suit, on a un PSVR 2 avec des nouveaux PS Move. Donc Jimmy qui va arriver derrière, voilà. Et donc moi c'est ce que j'attends, c'est qu'il y ait une réaction sur ce marché pour une étincelle en fait qui fasse une deuxième vague, qui soit solide. Et c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis pas pressé. J'attends, j'ai ma PS4 Pro, elle marche bien, je suis content. Elle ne fait plus un moteur d'avion de chasse depuis que j'ai changé la pâte thermique, donc tout va bien. Franchement, la PS4 Pro. Ouais, pour jouer à des jeux plats, ça suffit pour l'instant. En plus, en faisant un site comme VR4Player, ça prend tellement de temps que des jeux, j'en ai en masse que je n'ai jamais joué. Donc moi, j'ai le temps, perso. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une PS5 pour voir ce que ça fait avec la VR et pour découvrir Astro Playroom, pour tester Demon's Souls. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres licences qui vont me plaire. C'est pour ça que je pense que si on en reparle dans un an ou un an et demi, je pense que j'en aurai une. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas pressé. Il n'y a pas la hype, en fait. C'est juste, tu veux juste en fait la console pour tester, quoi. Non, parce que des jeux comme Ratchet, je vais le bouffer, mais plusieurs fois. Mm-hmm. C'est sûr. Tous les Ratchet, moi, c'est des trucs que quand je les finis, je le recommence, quoi. Mais c'est vrai que t'aimes bien les jeux mignons, toi. J'aime bien les jeux d'horreur, j'aime bien les jeux un peu colorés, mignons. Oh, c'est mignon. Bon, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va conclure cette émission, je pense, messieurs, parce que y aura encore beaucoup de choses à dire, parce que. Et puis, il y a tellement de champs des possibles, dessus, il y a tellement de choses dont on est. Voilà, on reviendra dessus. Il y a tellement de choses dont on est complètement incertain et personne ne le sait. Et même les têtes pensantes de Sony ou de Microsoft ou que sais-je, même les développeurs ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Entre tout ce qui se passe avec la crise sanitaire et puis le positionnement de pions dans cet énorme échiquier dégueulasse de la communication, et ben du coup, voilà, on a fait le point à peu près de ce qu'on savait, de ce qu'on pensait, de ce qu'on espérait. On espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur l'article sur VR4Player. Et puis, on en discutera un petit peu avec vous. Et aussi, on est très intéressé de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et vous, en tant que joueur VR, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous voulez faire? Et une question toute bête, comme je vous posais tout à l'heure, c'est où est-ce que vous voyez en tant que joueur VR dans un an? Où est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans quoi est-ce que vous allez investir? Ça nous intéresse. En attendant l'émission dans deux semaines, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur vrplayer.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous aimez le contenu et si vous voulez nous soutenir. Il y a toujours une page Tipeee, Oui, toujours. Laurent, oui, bien sûr. Il y a toujours c'est celle avec l'étoile d'araignée. Il y en a une, il y en a une. Elle est tellement fournie. disons que. Ça pleut, les dollars pleuvent sur c'est toujours les mêmes. Hein, on a cinq tipeurs qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, je les remercie encore. Parce qu'ils nous soutiennent depuis très longtemps. Infiniment. Ouais. Et puis, il y a même ceux qui ont soutenu à un moment et qui sont repartis. Mais c'est pas grave. Parce qu'ils ont au moins fait le geste, au moins une fois. Donc, donnez l'argent, s'il vous plaît. Donnez les pognons, donnez l'argent. Voilà. Bon, et pour revenir à ce que disait ça, et commenter, lâchez vos commentaires sur Facebook et Twitter aussi. Et ouais, Facebook et Twitter, les réseaux sur ce que vous voulez. Pour revenir sur ce que dit Say, sur le prochain article, on mettra peut-être un PS5 à gagner. Un formulaire, un sondage. Oh, ça c'est pas compliqué comme mot. Un sondage. Pour moi. J'ai gagné. On fera un petit one point pour Majo. On fera un petit sondage pour voir un petit peu comment les joueurs où se placent-ils par rapport à tout ça, quoi. Ok, c'est bien de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, où est-ce que l'industrie va, où est-ce que les joueurs vont aussi, parce que ça peut conditionner pas mal de choses. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous, on vous remercie toujours de nous suivre, de soutenir le podcast. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles si vous aimez. Sur iTunes pour le podcast, c'est important aussi pour le référencement et pour nous. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à dans deux semaines. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ah ouais. J'ai pas arrêté encore. Hop. Moi non plus, mais il n'y aura pas de bêtisier, c'est pas une émission drôle aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin.